Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Combe. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 7, Mart Vero. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 88, Alex Combe. Et le numéro 31, JF Mallette. Yes, sir! Hey! Hey! Full house! Équipe full complète house. Ce soir, mesdames, messieurs. Alex, bon retour au podcast après deux matchs à passerelle. Ouais, ça a été long. Alex Cromp, LT Scratch est revenu maintenant. Yeah. T'as besoin qu'on masque ta voix, toi? Oui, avec un petit fade-out, je sais pas trop. Pardon, voir. Ok, c'est correct. Non, finalement, c'était de l'écho, c'était pas du masquage de voix. On va laisser faire les effets pour ça. On va y switch. J'aimerais brouiller mon visage aussi à la caméra. Là. Ça va s'arranger au montage. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va, les gars? Ouais. Avant-dernier podcast, avant Noël, donc premier podcast de décembre, et puis j'ai rien vraiment à dire, alors on va commencer l'avant-match directement. Oh oui, puis avant de commencer, on a des choses à introduire aujourd'hui. Introduire est le bon mot. JF. Pas personne qui va m'introduire ça, en tout cas. Non. On introduit aujourd'hui à la soirée du podcast ce qu'on va appeler le Call Out Finger. Vous pouvez voir à l'écran si vous écoutez en vidéo. Essayez pas. C'est tout nouveau, c'est un nouvel élément. Hey, pointé de même quand tu regardes dans la cam, là, c'est violent, man. On vous met. On te voit même excellent. Pas. Excellent. Fait que GF qui a callé hard à peu près tout le monde du hockey au Québec la dernière podcast. Toute l'industrie médiatique. Who's next? Fait que maintenant, si quelqu'un va faire un call out, on va sortir le call out finger. Venez-vous prêts, les journalistes. Vous êtes mieux d'être prêts avec vos tweets de journalistes stupides. Oh yeah. Alors, c'est ce qu'il y avait à dire pour ça. Watch out les épais, là. Ouais, on vous a à l'œil, bande de sans dessin. On vous a à l'œil, TVA Sport. Puis surtout Renaud Lavoie. Toi, Renaud Lavoie. Ben là, faut te prendre le doigt si tu fais ça. Mais là, ça paraît tout fait. Non, c'était pas un vrai call out. C'était juste non, non, c'était une joke, ça. C'était comme une. C'était mon imitation de Jeff Mallette l'autre jour. Toi, là. On peut-tu le prendre, faire un call out à Jean Béliveau au ciel en pointant dans les airs, là? Un call out de respect, là. Mais on va en parler tantôt en troisième période de ça. Mais voilà. Vers la lumière. Alex, quel poète. Le doigt dans le cortex en haut, là. Eh oui, ce show est une présentation de Steve Free Prima. Chris, c'est vrai. Je te le dis, man, c'est un contexte. C'est bien vrai. Fait que, avant de commencer vraiment la game, diapers. Là. Entre les deux derniers podcasts, on est allé faire un tour au Centre Bell, toute la gang, sauf Alex qui était sur un LT Scratch. C'est Alex là. Le c'est moi. Ah, mais moi, j'y vais la semaine prochaine. Ouais, tu vas aller faire un petit reportage pour nous. Ouais, mais là, tu y vas quoi avec ta blonde? Non, je vais avec mes chums. Oh, t'as des chums, toi! J'ai payé. On est allé voir la game contre les Flyers qu'on a gagné 6-3. Une excellente game. Oh, yeah. On était dans le pit, mais on voyait très bien. Moi, quand je suis sorti de là, j'étais même pas sûr du score final. Puis moi, je peux juste te dire que je suis pas sûr qu'on voyait très bien. Ben, je suis pas sûr que j'ai vu grand-chose. Il y a une affaire que je me rappelle. À la place où on était placé dans le Centre Bell, on a vu tout le monde de dos. Oui. Parce qu'on était vraiment... Moi, j'adore ça. La dernière rangée en haut, tu peux être debout toute la game. On était bien de ça parce qu'on était debout toute la game. On était debout tout le long, gueulé. Puis t'as le mur, tu peux accrocher ton manteau après ton... Sur l'écran géant aussi, ils ont changé le layout. À ce temps, le score est dans le bas. Fait que peu importe où tu vois le score en bas dans l'écran géant. Ça, c'est pour ça qu'il ne fait pas calculer. Fait qu'on tient à dire que les Montréalais ont des beaux dos. Ouais, un beau dos. On a vu des astis de beaux dos. Merci à tout le monde qui ont été patients avec nos niaiseries dans la zone Molson X. Ils ont ri pas mal. On a collé le fan de Philadelphie. Il y avait un fan de Philadelphie qui était proche de nous autres. Il nous a donné un peu de la business, là, puis on l'a remis dans la face assez rapidement à 6-3. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il s'est comme assis à un moment donné, puis il avait plus l'air content, puis il avait plus l'air de vouloir nous écœurer. Il avait fait genre 8 heures de route. Ah, il est du Nouveau-Brunswick. Mais il était tranquille, il était avec sa blonde. On savait que c'était non, mais on s'écœurait de façon. Mais il était tranquille, une chance qu'il était tranquille, parce qu'il en aurait mangé une tabarnak. Un qui était moins tranquille, puis qu'il aurait dû manger une tabarnak, ça s'est passé au Peel Pub, puis j'aimerais qu'on en parle. Pas ça, le grand dadais qui a droppé sa gomme dans l'assiette. Parlons un peu du grand dadais des Américains qui savent pas boire au Peel Pub. Est-ce que c'est une tendance? C'est-tu tout le temps le même? C'est juste les Américains qui savent pas boire. Ok, pour résumer, on était assis les cinq ensemble. C'est une tendance au Peel Pub? Non, c'est une tendance générale. Il y a un gars qui est venu nous voir, qui venait du sud des États-Unis, je sais pas quoi. Il est venu nous voir trois fois. Il venait de la région de New York. Who cares? Le gars a un esti d'épais, vraiment. Il vient nous voir sous. Puis comme, OK, les gars, calez votre bière. Puis il se met à caler sa bière, puis ça coule tout sur le chandail. Okay, comme ouais, lui, c'est le foulard. Lui, il t'épaye, il nous gosse un peu, il s'en va. Il revient. Il veut me donner 50$. Il sort son argent, il échappe sa gomme de sa bouche dans l'acide à mort. Il se met à me toucher un peu dans le dos. Je l'aime pas, lui, m'a le fessé. Jeff a fait péter une coche. Ben, c'est parce qu'il est revenu après, puis il a commencé à nous traiter de tapette en espagnol. Ouais. Il a commencé à dire à Dave qu'il avait un chandail du Canadien, que c'était un fan de Toronto, puis qu'il avait l'air d'une graine. Ouais, il y avait un problème, en tout cas. En espagnol. Sérieusement, là... Non, tu as dit des colis. J'ai dit, garde, c'était... Get the fuck away from me, I'm gonna fucking punch you. Parce que j'étais sur le bord de le fessier, puis ça m'aurait pas dérangé de sortir du Peel Pub sans payer mon repas, honnêtement. Là. Ça aurait peut-être valu la peine. Quoi que ça a pas coûté bien cher. Bon, Peel Pub, la première plus chère est quoi, 14$? Les ailes de poulet. Ça a coûté 30$, ouais, ça a coûté 30$ pour genre plein de gros pichets. Puis je tiens à souligner aussi notre serveur qui est obligé d'aller se raser à la barbe en deux, ouais, deux pichets. Salutations, de bière, pauvre gars. Il a failli se faire crisser au Peel Pub parce qu'il était pas rasé. Il y avait une barbe de genre un jour il y avait pas comme un close shave là, fait que son boss il a dit tu t'en vas te raser, puis il a été acheté un rasoir, puis il a dit tu vas te raser. Mais lui moi je lui ai dit ah il est gosse hein, le style américain, il fait ouais moi aussi il me gosse là. Non, il gossait pas mal tout le monde, il gossait tout le monde. Ben c'est un slow qui se promenait de temps en temps, il gossait même des Américains qui étaient là à côté de nous autres, c'est au table du monde. Fait que j'aime pas renforcer les stéréotypes, mais les Américains savent pas boire, c'est terrible. Il arrive ça, puis party town man, restez toute la gang d'Américains. C'est le gars qui drop son... Parce qu'il n'avait jamais rien vu d'autre. Là. Comme, come on, dude, I got money, puis drop un 50$, ça attend. Je suis comme, fucking money, get the fuck away, man. Décaliste, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'était con, ça. Mais j'avoue que la shot du gars qui échappe sa gomme dans l'assiette à mort, c'était assez incroyable. C'est son assiette à la napkin, on dirait. J'en rêve encore. Pas dans sa bouffe, là. J'en rêve encore. J'avais un rêve de ça. Un rêve. Benjamin, t'as eu un rêve qui droppait sa gomme dans tes assiettes. Hey, moi, là, dans ma tête, là, quand j'ai vu la gomme tomber, là, je pensais à Gino Ojic dans ma tête, asti, qui drivait tout le team des Blues. Tu t'es dit, asti, j'écrisserais un punch dans le dos. Ça, j'arriverais à table. D'un flan. C'était ça un rêve bien au ralenti, ça? Ou... Ah, c'était slow en gris comme rêve, là. Gino Ojic, c'est assez triste. Quand tu le vois dans les documentaires qui te disent ah, j'ai appris à faire les affaires. Là, si vous l'avez pas vu, là, allez voir ça, la séquence qui calisse une volée à tous les joueurs des Blues. Il a pas fait ça pour rien. Hein. Il a fait ça parce que la game c'est avant. C'est juste malade, là, man. Il pète un plomb et il calisse un coup dans le dos, drette d'un flanc à un gars, man. C'est fou. La game avant, il y a un gars qui calisse un coup d'hockey dans l'œil à bourrer, man. Puis lui, il s'est dit toi, là. Valérie ou Pavel? Pavel, je le sais, Valérie's Boo. Puis là, il a callé la vengeance. Le seul des deux. He called down the vengeance. The Gino Ojic. Un vrai Mohawk, Sti. Un vrai Mohawk. Bon, c'est un Mohawk, lui. T'as pas présenté la game qu'on présente aujourd'hui? En arrière, on présente. Les hommes en noir, je pense, c'est le Canadien. Les hommes en noir moins foncés, c'est notre équipe. Non, on présente une game de 1960 en l'honneur de Jean Béliveau, le gros Bill, avec Maurice Richard dans cette game-là, je crois. Je fais le numéro 4. Calvaire, peut-être falloir ajouter comme les contrastes. Peut-être, là. Au début, on avait mis une game de l'armée rouge contre le Canadien, finalement. On trouvait que c'était trop rouge. Ils m'ont dit que c'était trop russe, fait qu'on a changé de game. Ça, c'est une assez bonne game, man. Je l'ai écouté, moi, ça. Puis c'est impressionnant. C'est le temps que le Canadien avait le logo des Maple Leafs. Ah, non, mais sérieusement, quand tu regardes ce game-là, Béliveau, tu le vois, sa patinoire, comment que c'est évident, comment qu'il y a plus de talent. C'est quoi la game exactement, Mark? C'est la finale de la Coupe Stanley 1960. Ouais, c'est ça. Sa dernière Coupe Stanley de Maurice. Ouais. Puis, man, tu vois, Jean-Luc Plante, là-dedans, est vraiment bon. Hey, puis, On voit que ça va bien en crise, c'est le match numéro 4. T'sais, c'est comme un balayage. Là. Mais moi, j'étais, là-dedans, j'étais impressionné par Jacques Plante. C'est un bon goal. Il dit, yeah, dit genre, c'est quoi le match, Marthe? Alex, bon, il bon, répond, bon. Puis Marthe fait juste dire, what? Ouais. What? Fait que finalement, les, noirs, les Noirs, c'est Maple Leafs, les Blancs, c'est les Canadiens. C'est vrai, on joue à la maison. Qui mange la merde? C'était là, c'était le même. C'est ça. Bon, fait que, ben, juste pour vous dire, là, avez-vous voilà, la présentation est faite. Alors, avez-vous d'autres trucs à dire dans l'avant-match où on y va directement dans la première période, les gars? Ben là, mon 20$, il est tout ça à la table. Ouais, on pourrait régler ça tout de suite. Là. Il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Moi, j'ai pas mangé là, depuis deux semaines. Un homme paye ses dettes. Ah, alors. Justement pour mais toi. Là, hey, voilà, dette payée ici, Alex, qui vient de donner à l'autre Alex son 20$. Tu te prépares à donner genre 20$. Est-ce que Bourque a joué 20 games dans la Ligue cette année? Je sais pas, oui. Fait que c'est pas il a pire, pas joué 20 games encore, je pense. Bon. Ouais, c'est pas pire, regarde, Alex, capable de payer ses dettes, c'est pas comme Vanek. Oh, pendant troisième période de ça. Moi, quand je gamble, au moins, je paye. Alors, sur ça, on va commencer la première période. T'avais vraiment 10 millions, Chris. Des pinettes. C'est bon, t'as le temps, JF, pour partir ton ouais, son. Il, le iPad, là. Bon. Avant de commencer tout ça, parlons du pot de la soirée du podcast, qui est son d'avoir vraiment honte collectivement. Hey, on est tous des hosties dumb shit là-dedans. Alors, en cinquième position, Luc Desormeaux. Quatrième position, Mathieu Gilina. Troisième position, Pat Silverwolf. Deuxième position, Samuel Lachaine. Et en première position, Steve Fortier, qui est en première position, je pense, depuis le début. C'est qui, lui? En passant, Bourque, il est présentement dans la Ligue nationale, là, juste dans la Ligue nationale, là, il est à 19 matchs. OK, qui tout double? Si Bourque fait 7 buts à un match, 40$. I don't think so. Il y a combien de 400 points? 400$. Il y a 3 points. Tabard. 3 passes. Fait que pour ce qui est de nos positions dans le pool, j'ai échappé ma feuille. Ah non. En 18e position, JF Mallette. 19e, Martin Véro. Ah ouais, 24, moi-même, JF Cromp. 26, Alex Cromp. 30, Alex Galipo. Et Dave en 37e. Qu'est-ce qui se passe, Dave? T'as descendu, t'as dégringolé. Avez-vous fait vos trades? Moi, j'ai eu bien. Ouais, j'ai eu Tarasenko. Ouais, moi aussi, t'avais qui comme. J'avais Yakupov contre Tarasenko. Bon, j'avais un autre épaule. Moi, j'avais bien des blessés au début de la saison. Puis j'ai. Pas des excuses. Non, excuses. Je m'excuse pas, je dis ce qu'il y en a. Puis j'ai eu Tara Vinon. Y a-tu d'autres? Mais dans mon pool, l'argent, je suis premier. Moi, j'ai tradé Gibson contre Ryan Miller. Ouh. Ouais, mais moi, je pouvais juste faire un trade, il aurait fallu que j'en fasse 8. Moi, tout, man. Ouais, mais moi, tout, mon gars, là, j'ai du flocon en masse. Tout le monde est cold, quoi. Moi, tout, man. Non, mais moi, dans le haut, c'est hot en crise parce que j'ai genre Crosby, man, Jimmy Benn. Après ça, s'écroule bien raide. Alex, Oshie qui me donne pas un crise de C'est quand la prochaine échange? Au mois de janvier. Janvier. Fait que pour, moi, janvier, vous avez le droit à un autre échange pour le pool. Le mois de décembre va être offensé. Tu vas être 44e ou 43, Dave, rendu là. C'est qui d'enfer illimité? C'est qui dans le podcast qui a le. C'est Mallette? C'est JF qui a la meilleure position, 18e. Suivi de toi en 19e, Mark. On est à côté. On dira pas trop fort, hein? Sti, quand même. Alors, allons-y pour. Ton son, toi. Nos plus et nos moins des dernières games. Vas-y donc, Alex. En plus, c'est Gilbert. Non, c'est pas vrai. Vas-y. On va faire un tour de table avec les plus pour commencer. Là, attends, tu me donnes même pas le temps de penser, Calis. Ben, c'est quelqu'un qui a un plus de presse. Pour le moment, moi, j'ai bien aimé, puis je l'aime toujours voir jouer, puis je commence à vraiment triper ce joueur-là. C'est catch. Hé, Ciboire, tu commences à triper dessus? Tabarnak, arrive en ville, le gros, là. Il est écœurant. Ben, ça, je dis, Chris. Mais, gars, vraiment, à chaque game, je trouve qu'il est constant. C'est ça que j'ai. Ah oui, c'est. Je parle pas juste depuis. Ouais. Moi, j'ai manqué deux podcasts, là. Excuse-moi, je voulais pas intervenir. Depuis ce temps-là, mais. Mais de toute façon, c'est ça, là. Parce que ça fait un bout qu'on a pas fait de podcast. Fait qu'il faut revenir à loin pour nos. Ça fait trois semaines. On a sauté une semaine dans le pacing. Plus, moi, je l'ai manqué deux autres. Ça fait comme. Toi, t'es pas là depuis le deuxième podcast, dans le fond. Mi-octobre. T'es plus. Fait que c'est catch. C'est catch. Donc, vas-y donc. Excellent choix. JF, ton plus. J'y vois avec notre prochain capitaine, Max Pacioretty. Oh, ça va garder la gueule du prochain capitaine. Oh, ouais. Non, mais vraiment, là, Pacioretty, je trouve qu'il fait une différence depuis le début. C'est le meilleur marqueur, puis je pense encore qu'il prouve qu'il est dans l'élite de la Ligue. Fait que Max, je peux-tu dire un comment? Ouais, vas-y. Non, mais... Pour de vrai, il est bon quand il compte, mais Chris, quand l'équipe perd, là, il est nul. Tu sais, c'est un joueur, tu vois, quand l'équipe on perd, là, il est plus là. C'est pas un game changer. Non. C'est un score 1, mais c'est pas un game c'est le troisième trio qui met de la pression. Mais tu sais qu'à compter 2-0, ben, ça, tu vois, il est c'est plus pas un plus game changer, checker, ça dépend parce que je te faut dirais... Faut que Dayloy soit là. Mais ouais, c'est ça, là, tu vois, Dayloy, ça arrive. Faut que monde pour le feeder, ce gars-là, parce que lui, c'est un scoreur, là, c'est un shooter. Ouais. C'est pas un playmaker, c'est un shooter. Si il n'y a pas personne pour le feeder, il fera rien, même. Ben, parce que c'est pas un gars... bon forecheck, tu sais, il patinera pas, je trouve pas qu'il va donner le petit plus. C'est un... Là, Michel met Delouis sur le premier pour justement. Mais là, Delouis, il est en feu un petit peu ces temps-ci. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, quand ça de prend Delouis pour partir ton premier trio, là, quand ça va pas bien. Le problème est au centre. Ben, il n'y a aucun Darnay. Ah, le petit Darnay. Il y a quand même un petit problème. Darnay ou Perron? Check. Vas-y donc, Mart, ton plus. Moi, je pense que j'ai même pas de plus pour elle. Arrête, là. Comme à chaque semaine. Faut que t'en donnes. Non, non. Price. Hey, je vais... peux dire. Je vais donner le même plus qu'Alex, sérieusement. C'est catch, moi aussi, parce que c'est le joueur que je trouve qui shine le plus. Là. Ouais. Il donne tout le temps le 100%. Que, il est bon. C'est, il est rapide, le gars. Hein. Il traverse la patinoire. Il sait entrer de zone. Il est bon en full check. C'est un playmaker. Je veux dire, il a une bonne vision de jeu. Il a une hostie de bonne passe. Il est capable de tout faire. Il a des hosties de main. Il est bon pour le check, moi, quand il rentre dans la zone, il garde la porte. Il est solide, sérieusement, là, moi, je l'adore. Je le donnerai à lui parce que je trouve que c'est lui qui shine le plus. Puis, that's it. Quand ils ont la glace, apparaît, on est toujours dans leur zone. Ben, j'aime voir le trio, moi, de Heller et tout ça, parce que je trouve que, surtout dans les games... Heller, il a baissé dernièrement. Ouais, mais le trio est excitant parce que tu vois, c'est le gars, pareil. Il y a de l'énergie dans ce trio-là, quand même. Mais tu sais, il faut que des... Non, mais c'est cool. Ouais. Mais je l'ai dit, par exemple, quand il avait remonté. Ce trio-là m'endort moins que regarder souvent des trios genre de... Premier, deuxième, des fois. Là. Quand ça va pas bien, quand ça va pas bien, puis premier, deuxième, et c'est la glace, c'est rien qui se passe. Le troisième, allez, on a une chance. Il reste que Heller, même s'il est moins dans son high, il donne quand même ce qu'il est capable. Moi, je trouve que c'est pas le P. C'est pas le P. Ah, c'est non. C'est ça. La P, c'est pas mal le côté de la défense. J'aime bien mon troisième trio en ce moment. Je le trouve quand même. Ouais, le troisième trio a changé pour asseoir. C'est Parento qui va jouer à la place de Prost. Ouais. Ah ouais? Là, c'est ça. Là, c'est... Oui, ça va où? Parce que oui, c'est tout change. Oui, c'est sa première ligne. Ouais, c'est ça, il se promène. Prost va être à la carte. Mais sa première ligne. On a Bowman, il va être où? Bowman, il va être dans les estrades. Ouais, ok. Ouais, mais on s'en calisse de. Mark, t'as rien dit qu'on n'a pas de première ligne? Ben, on a comme une première et une deuxième égale un peu. Genre, on n'a pas, pas de première ligne, sérieusement. Ça fait des années qu'on n'a pas de première ligne. C'est ça, pas de ligne dominante. C'est quand même qu'on a une première ligne. Mais c'est parce qu'on n'a pas un premier centre. C'est pas des matchs. Il y a des matchs qu'on a. Parce qu'on n'a pas un premier centre. C'est pas normal, ça, là. On a trois troisièmes centres. C'est ça. Fait maintenant, on a comme un deuxième, je dirais. Puis. Deux, troisième. Plecky, c'est un bon deuxième centre. C'est un deuxième. Je pas qu'on ferait des matchs à soi. Il serait deuxième, mais qui pourrait être un excellent troisième. Ah, ben c'est oui. Ça, dans un bon club, il serait troisième. Il serait troisième parce que c'est un bon club. C'est quoi, là, Crosby, puis. Le club des étoiles de l'Est. Je veux dire, tu le mets avec les Islanders. Je pense qu'il serait un deuxième centre. Mais toi, tu mets avec les Islanders, c'est Tavares. Il peut faire un bon deuxième centre ou un très bon troisième. Moi, je dis deuxième. Ah, j'ai mal compris. T'as Plekanec comme deuxième centre, t'es pas dans le trouble. T'es pas dans le trouble. Il y avait des équipes. Un hostie de bon premier centre. Tu sais, le Pittsburgh, LA, Chicago, OK. Mais le reste, je m'excuse, mais il ferait un bon deuxième centre à bien des équipes. Je dis pas qu'il ferait pas un bon deuxième centre, juste qu'il ferait. Ça, Jeff. T'as genre un Taze, puis t'as un Plekanec, puis regarde, t'es correct. Besoin que ton plus, Dave. Ben, je vais le donner. J'avais comme deux choix. Ben, mention honorable à Prost que dans les dernières games, peut-être moins dans les dernières, là, mais des quelques dernières games qui avaient augmenté son jeu. Puis je trouvais qu'on retrouvait le Prost des bonnes années. Il est-tu moins blessé? Hein? Mais... Est-tu moins blessé qu'il était? Ouais, ouais. Je pense il drop, puis tu sais, il frappe, il se fait frapper. Il était un peu invisible au début de saison, mais ouais, c'est vrai qu'il a quand même remonté. Puis tu sais, c'est. Je sais pas, on dirait qu'on le voit plus. Puis quand il y a un rôle plus offensif, puis plus avec des joueurs importants, on dirait qu'il est plus apparent. Ouais, ben c'est mais ça. Quand il est bon sur le troisième. Quand il est sur un quatrième trio, puis qu'il fait juste du défensif, non, il fait ça. Rien. Mais c'est parce qu'il est pas bon, c'est pas l'utiliser comme il faut. Non, mais... c'est un bon troisième. Ouais, mais c'est parce que ça le fait chier et tout. Moi, je dis qu'il fait à baboune, là, ce gars-là. Ouais, je pense pas. Il aime pas ça. Ouais, ouais, ça le fait chier. Quand il se ramasse sur le 4, là, Chris, Asti, qu'il graine pas, man, il fait rien. Mais c'est pas, je pense pas que c'est le type de joueur à faire ça. Moi, quoi? Je pense qu'il va grinder pour monter sur le 3. Je pense pas qu'il est pas. Je pense pas que c'est son genre de joueur. De faire la baboune? De jeu. Ouais. De grinder ou de faire la baboune? De grinder tant. Tu sais, je veux dire. Ben, quand il faut qu'il fasse ça. C'est ça sa qualité, si... grinder. Ben, il y a pas de gros patins, puis c'est pas un super passeur, puis c'est pas un super shooter. Fait que. C'est un Chris, faut qu'il ramasse. Je veux dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut qu'il ramasse la puck dans les coins. Faut juste qu'il sorte avec la puck quand il est en zone adverse. Faut qu'il. Il est meilleur. Mais quand t'es sur le quatrième. Excuse-moi, Malotra, c'est un bon centre, mais en attaque, il est pas bon. Je veux dire, quand il est en zone d'attaque, Prost, la quatrième ligne, c'est trop pour lui. Faudrait que tu joues en troisième, mais. qui se donne en tabarnak. Là, il se donne, hein? Chris, quand il joue avec ses cacs et Hurler, c'est ça. Mais anyway, tout ça pour dire que je vais le donner à Dale Weiss. Oh, t'es un fan de Dale Weiss. Non, mais tabarnak, l'homme à la chevelure dorée, man, il est fou, là, sérieux, là. Sa coupe de cheveux est incroyable. Hey, il donne restez numéro 4. Il donne vraiment un air d'aller, man, puis une énergie aux joueurs. Puis, tu sais, honnêtement, là, une couple d'années, tu regardes, là, puis quand tu voulais faire marcher un trio, qui c'est que tu collissais sa ligne, tu collissais Gallagher. À cette heure, on dirait que ça marche comme pu. Ouais, mais ça, mais Wheeze, là, de ça où est-ce qu'il sort Wheeze pour faire Wheeze, ça de c'est même. Plus vite un peu plus gros là. Il y a une stat qui est intéressante pour Dale Wheeze dans les 12 buts de Pacioretty, il y en a 6 et Wheeze qui a fait la passe dans les derniers games. Il fait un bon job là. Fait qu'on s'entend-tu genre que quand on parle de Desharnais là, on met pas d'affaires, pour être capable de faire scorer Pacioretty là, tu peux mettre Dale Wheeze puis il est capable d'en mettre autant que Desharnais sur le tape. C'est plus Desharnais là vraiment qui alimente Pacioretty là. Ben c'est ça. Dernièrement. Ben c'est ça. Il prépare le jeu, mais... Ah, Desharnais, il est changeable. Desharnais, là, présentement, là, si tu regardes ça, là, il y a souvent... Quand on tombe un autre débat. Là, chez moi, Galchenyuk au centre, ça n'arrivera pas. Desharnais, là, souvent, il y a des deuxièmes passes, présentement. Là. Quand tu regardes ça, et quand il y a un point sur un but, là, c'est une deuxième passe. Fait que c'est... Ouais. C'est plus le ben, main en, course. Genre, en tombant, il a comme accroché à part. Non. Elle a fait encore des bons jeux. Il est smart, là. Wow, non, là, OK, je fais des jokes, là. C'est pas je fais des jokes, là. Mais je pense que c'est un joueur. Fait ah, tu ouais. Vas-y avec ton plus, Alexandre. Ouais. Faut-tu qu'on donne un autre nom pour toi ou pour ton ami? Non, Alexandre, il m'appelle monsieur. Fait que... Ouais, elle m'a appelé monsieur. J'hésitais. J'allais mais y aller là, avec Pacioretty. Puis, Jeff, il a dit Pacioretty. Puis moi, je fais pas de plagiat. Tu peux pas dire pareil. Comme Mark. Non, je vais y aller. Je vais y aller. À tes ouais, c'est exactement ça. Je vais y aller avec Galchenyuk. Parce que quand il laisse parler ses mains, il m'excite. Ouais, mais c'est juste ça qui arrive. Ouais. Moi, c'est tu sais, il a fait un hostie de passe à la palette. Oh, une tabarouette de passe sur la palette à Markov. Ouais, ça, c'était fou. Un hostie de belle passe. Une sauceur direct sur la palette. Dans les dernières games, c'était à peu près ce qu'il a fait de mieux. Il fait capoter. Puis je fait tout le temps des petites crises de déjoue. Puis il n'y a rien fan de Galchenyuk. Ouais, mais c'est la meilleure affaire qu'il a faite dans les dernières games. L'affaire, c'est qu'il fait des jeux. Il fait des beaux jeux, mais il close jamais. Mais il manque un petit quelque chose pour closer. Mais il est jeune. Présentement, son problème, je suis d'accord, mais présentement, son problème, je pense, à Galchenyuk, c'est. Ben, pas juste ça, c'est que. On dirait qu'il cherche juste à faire la feinte. Une feinte bien placée, ça marche, mais une feinte après une feinte après une feinte. Shoot the fuck quand t'es tout le temps sur la glace puis que tu fais juste des feintes tout le temps, ça marche. J'ai l'impression plus, qu'il veut tant faire le highlight là, tu sais genre le jeu de la semaine là, puis là ça marche pas, sti. Mais ça revient à ce que les coachs disent souvent, keep it simple, là, fais juste tirer au net, arrête de faire des jeux fancy. Tu rentres dans la zone, man, tu te découvres sur soi. Mais moi j'en joue un peu GF là-dessus, ma lettre, c'est que quand il va aller au centre, peut-être que ça va donner des meilleurs. Ouais, parce que dans le fond, tantôt tu disais que c'est pas un finisher. Ben c'est parce que dans le fond, il y a l'instinct encore d'un joueur de centre, c'est pas supposé être lui le finisher, c'est supposé être les alliés. Moi présentement, je le verrais avec moi je suis semi pas ouais, d'accord avec ce que ça pourrait être ça. Anyway, le seul finisher qu'on a vu à date, c'est le goaler là. C'est Dale Weiss, l'autre qui fait un stunner là. Tokarski. Tokarski qui fait un stunner à je sais pas qui. C'était hot ça. Ben vas-y Marc, qu'est-ce que tu dis? Là son fan de D-Generation X. Moi là, c'est comme je disais, dans le fond, j'étais pas tant d'accord avec Mallet parce que dans veux-tu le caller out? On peut sortir non, le je ne le callerai pas out parce que c'est on va sortir le doigt, mais Vas-y. Tabarnak! Non. Mais non, mais pour vrai, à l'aile, il est capable. S'il y a un petit bon passeur avec lui, il y a quelqu'un qui est capable d'en mettre une sur le tape, là. C'est parce que c'est sa un bon shot, man. Je suis sûr que ce gars-là est capable d'avoir un petit one-timer de la mort. Mais c'est juste qu'il fait pas. Il le fait pas, puis il le fait comme jamais. Puis il prend pas sa chance, mais ça y prend quelqu'un pour y mettre la puck sti sur le tape. Plekanec, il l'est dessus présentement. Il est pas capable. Il est pas capable sti de faire ça, Plekanec. Il fait une bonne entrée de zone, Galchenyuk. Que tu sois sans ou allié, quand tu fais une bonne entrée de zone, puis t'es un contre un, puis tu fais le fin, puis tu perds la puck, puis ça fait un turnover, puis la puck elle part dessus dans l'autre zone. Je m'excuse, que tu sois sans ou allié, man. It's gonna happen. Les deux meilleurs wrist shots là, de Montréal, là, c'est Pacioretty puis Galchenyuk. Galchenyuk a le deuxième, peut-être le premier meilleur tir. On le voit pas assez, man. Ouais, il y a un nostie shot. Il a probablement le meilleur lancé de l'équipe. Il y a un nostie shot à ce gars-là, man. Il fait pas son ça, wrist là. Shot, là, hey, man, ça, il dégaine trop vite. Là. C'est mon goal. Quand je le vois tirer, je suis comme, tabarnak, pourquoi qu'il tire pas plus que ça? En même temps, il est quand même reconnu comme un playmaker. Là. C'est pour ça qu'il est... Oui, que je comprends. Mais gars, sa position naturelle, c'est ça. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il est prêt à jouer au centre. simple que ça. Tu vas le mettre quand? Parce qu'il n'y a pas de tir tant que ça. Tu ne l'essayes pas. Tu il faut qu'il donne sa chance, c'est sûr, certain. Il ferait bien mieux que. Ouais, mais ça arrive tantôt. Mais OK, il faut que ça te prenne un premier centre pour qu'il y en ait d'autres. Dans votre théorie, il faut qu'il y ait un centre numéro un parce qu'on n'en a pas. Non, ça ne sera pas Galchenyuk. Fait que là, ça prend un autre qui part. Ça ne sera pas Galchenyuk tant qu'il n'y aura pas tradé un des deux. Personne qui mette. Faut qu'il y en trade deux. Personne ne prend un centre numéro un. Faut qu'il y en trade deux. T'entends s'il y a un. Après ça prend une place pour Galchenyuk. Mais je sais même pas si c'est d'un plan de terrier de condition, man, au centre. Il n'y aura pas le choix, c'est-tu. Ben, pour ça. Tabarnak. Pas le choix. On va aller voir. Il n'y aura pas le choix, tabarnak. Non. Bon, t'es de wow. T'es de wow. T'es de wow. Je pourrais prendre cet effet-là de RBO. Je sais pas si Guillaume poursuivrait, là, mais okay, t'es wow. Qui mange la marque de Lepage, elle sait que t'as voix de femme. OK, mais admettons, Alex. Admettons, là. Ça commence. Admettons, t'as des harnais. La tornade. Calotte, Guillaume Lepage. Une minute, le meurtre me parle, là. Peut-être pas. Admettons que t'as des harnais, Plekanec, puis tu veux envoyer comme Galchenyuk au centre. On n'est pas fini, plus, moins. Fais-le, bye-bye. Vas-y, mon plus. Ouais, mais tu changes pas le problème. Tu colles quoi? Des harnais, genre, sur le troisième. Mais là, ça va être qui ton numéro? Non, tu peux pas faire ça. Non, parce que Desharnais, il marche avec Paturity, man. OK, fait que ton Desharnais, tu le gardes premier. Ça aurait été dit. Right? Bon, là, c'est ça. Mais anyway, ben là, présentement, t'as pas le choix de garder Desharnais comme premier centre parce qu'il fonctionne avec Paturity. Il marche en duo avec Paturity. Tu remplaceras pas Plekanec pour Galchenyuk. Non. Non, mais gars, si tu trades, là, je te dis, le seul moyen, c'est d'envoyer comme... Galchenyuk au centre, man, c'est qu'il y a plein canex en l'air. Alors, je vais donner mon plus. Ouais, vas-y. Je vais donner mon plus à ses caches, moi aussi, parce qu'il est excellent à avoir joué. Puis il joue pour pas se faire redescendre. Je suis pas d'accord. Si je suis pas d'accord. C'est ça. Qui mange vraiment ses caches? C'est une bulle, sti. Bon. En passant, ses caches, j'ai fait un test sur Google Translation. Là, puis son nom en tchèque, c'est Yiri, pas Yirji. Ah ouais? Je l'ai testé puis je vous le dis là, c'est Sekatch. Mais souvent Pierre il demande aux joueurs il demande à John Tortorella. Tortolini. Il appelle John Tortorella. Il appelle Bruce Boudreau chez Christian eux. Christian Tortora, puis... le gars qui est handicapé en Formule 1, c'est lui qui demande. Comment qu'on prononce ça, c'est IJ. Il invente des lettres, Chris, un G, c'est pas un H. Non mais il est pas handicapé, il est français là, calme-toi. C'est la même affaire. C'est un comme un. Non mais c'est pareil que Pierre il s'en va dans la chambre puis il demande direct au gars comment. Ouais, le gars, il l'a regardé. Comment tu sais? Non. Premièrement, Pierre-Roude, là, je sais pas si vous le savez, là, ben, on le voit juste sortir, de même. Il va sortir il le finger. Il y a une crise de gros cul, esti. Je vous le dis, c'est une poire, tabarnak, esti. C'est incroyable. Vous le bord de call out. Sac donc bien. C'est terrible. Non, mais c'est parce que... C'est expliqué, c'est t'as laissé aller. Non, mais gars, Alex... Tu le call finger, Jeff? Un cul large de même, là, ça s'accompagne d'un sac certain. Pierre-Roude, esti, apprends ton alphabet, calice. Alors voilà, le premier call-out aura été dirigé vers Pierre-Roude. C'est la tornade mallette. Les moins. Faisons le tour de la table pour les moins. Il reste 3 minutes à période. Alors vas-y, Alex, c'est ton moins. Oh man, mon moins. Pierre-Roude, si. C'est mon moins, je... Non, c'est pas vrai, moi je l'aime, Pierre-Roude. Je pense que. J'ai mieux que Claude Canville. On a juste à donner à vedette. La vedette. La vedette. Qui? Je vais donner à Souban. Oh! Hey, tu nous disais non. Je suis un peu d'accord. Fois. Monsieur Chocolat. Ah, excuse-moi, j'ai eu peur. Je pensais qu'on était plus. Monsieur Chocolat. Bon, je vais donner à Subban pour de vrai. De ce temps-ci, je trouve qu'il va vraiment pas bien. Puis il gosse. Ah, tu trouves que c'est énorme. Il s'est pas placé depuis le début de la saison du tout à date. Toi, Alex, tu trouves qu'il va pas bien? Non, je trouve qu'il va pas bien de ce temps-ci. Juste la dernière game contre Minnesota qui a gassé le fond de nasty de fancy pants. Dans la zone, quand c'est le temps de shooter, calice. Ah, ça me fait chier, man. C'est comme, tu sais, la POC, t'as un shot, esti. Il tire jamais, ce gars-là. Il tire plus, man. Fait non, il tire quand il y a un gars en avant. Non, lui, il fait plus de slap shot. Pour le blesser. Il y a Dom dans le fond, Chris. Non, mais il y a Dom dans le fond, il y a le shot mou, puis non, vraiment. Il manque ses sorties de zone souvent. Peut-être parce qu'il bande. Moi, je fais confiance qu'il va se replacer. Bon, he had to go there. Ça aurait été dit à la soirée du podcast. C'est vrai que t'as moins de JF. J'en ai deux. Je voyais que le plus facile pour le moment, le nouveau Todman que Bergevin a acquis, Brian Allen. Oh! Il joue bien, man. Il joue bien. Quoi? Qu'est-ce qu'Alex boit en ce moment? Je trouve qu'il boit de la canadienne. On m'en parle dans l'autre Brian Allen. Mais ça, c'est le temps d'aller voir le breakaway qui a essayé de rattraper, genre, contre Minnesota. Ah, si, il y a bien d'autres affaires. Je m'excuse, c'est un perfect play, ça, puis il n'a même pas grabé le bâton. C'est un bad call, le ref, ça. Parce que le jeu était super beau, man. Ah non, en tout cas, Brian Allen... C'était correct, le jeu, man. Il a harponné à la porte. Il est dégueulasse. Non. On va parler tantôt. Ça, c'est le monde comme chialait sur All Gills. Ça, c'est notre nouveau Douglas Murray. Ben ouais, on a besoin d'un, man. C'est All Gills. Question pour toi, puis pense-y jusqu'à temps qu'on parle de l'échange. Tenordi ou Allen? Mon prochain, moi. De toute façon, Alexandre l'a dit la semaine passée. Allen, il est pas mauvais. Il est juste pas bon. Allen, il est à chier. Gilbert, il est pas bon, mais... C'est ça. Il est pas mauvais. T'as échangé un tas de marde, t'en as un autre qui sent différent. Mais Allen, il est mauvais, il est pas bon. Là, non, c'est comme mauvais. Un tas de marde, mais avec une boucle autour. Ben ok, mais expliquez pourquoi il est mauvais, à cause qu'il est lent? Non, premièrement, il est lent, il fait des erreurs. Non, fait il fait très bonne première passe, il frappe ce gros-là. Oui, il frappe. Pas dedans. Non, non. C'est incroyable. Arrêtez, là, vous gérez tout juste parce qu'il est gros et il est lent. Non, moi, j'achèterais un paquet de checklist et je crisserais dans la gueule. Mon deuxième moins. Pas bon. T'as un autre moins en plus? Je vais l'analyser tantôt. Mon autre moins, c'est le centre numéro 1 qu'on a parlé tantôt, Desharnais, qui a une moyenne de 1.1 tir par game. Excuse-moi, mais ce gars-là, il ne mérite pas d'être premier centre. Puis si on veut gagner la coupe, Desharnais, il va devoir rétrograder. Mais là, tantôt, Jeff, t'as dit que Galchenyuk, là, si on pourrait être un centre, il faudrait qu'il passe, pas tirer. Question, avant qu'on passe à Marthe, là. Desharnais ou Galchenyuk? Je pense que Jeff a de la peau d'arriver au podcast. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il prend. Vas-y, on va finir avec la période définie. Vas-y, on meurt avec ton moins. Ben, mon moins, si j'ai pas le choix d'abonder dans le même sens que mon chum Mallette. Allen, c'est... Pouf! Le gâteau au lèvre. Sérieusement, ça puis Tangredi pour moi, c'est comme la Tangredi, même sacrément. Pourquoi il a pris le numéro 17? Il n'y a personne qui y a dit. Ils ont imposé, calice, man. En tout cas, Allen, d'après moi, il s'est dit je vais changer à donne. Hey, j'ai vu ça, j'étais comme, ben, tu sais, Chris, tu donnes pas de chance, là, sérieusement. Mais ça, on en parlera au podcast le prochain dans le spécial Noël. La malédiction du numéro 17 chez les Canadiens, là. Allen, là, dans le fond, le repli défensif zéro, il n'y a pas de speed, man. Il est frais, il a les jambes fraîches, c'est un chiffre, là. Alex, il se fait partir de l'autre côté, là. Le temps, là, qu'il rentre. Il y a un hockey du gars, ça, là, man, puis il est déjà à bout de souffle, quand ça fera pas un bon pompier, ça. Il est à bout d'âge, puis il est obligé de se pitcher à terre. Il est pas mobile, là, puis il fait pas peur tant que ça, là. Vas-y, on dit avec ton moins. Moi, je le donne. Je donne une petite affaire à Allen. Scraper un petit peu des petits coups de bâton avant du net, là, pas pire. Mais comme qu'il disait, là, Douglas Murray, same fucking shit, là, tu sais, je veux dire, il avançait pas possible. Y a-tu le même coup? Ah oui, pis t'as un peu, j'ai une autre affaire. Mais je peux juste dire une affaire, c'est que... Il l'a perdu. Allen traîne le même hostie de piano, la même marque que celui de Allgill. Nice. Pourtant, il n'y a pas le même numéro. Tu te rappelles-tu de la marque? C'est un Yamaha? Non, c'était un piano à queue. Baldwin, je pense que c'était pas demain. Moi, je le donne à Tom Gilbert parce qu'il est pas si mauvais que ça. il est pas mauvais, il est juste pas bon. Non, c'est pas vrai. Tabarnak. je vais aller avec le deuxième de GF. Moi, je vais y aller avec Desharnais parce que de ce temps-ci, si tu regardes un premier centre du Canadien, ben il joue pas comme le premier centre d'une équipe de la Ligue nationale. Ça aurait été dit. Coderre, est-il appelé? Non, mais tu sais, je veux dire, ben il est pas au point où ce que Coderre le call out. Avez-vous vu les... Les joueurs de hockey qui lisent des tweets. Ouais. Puis Desharnais, il lit le tweet de Coderre. Mon tabarnak! T'as sûr que si Dave, on peut le croiser, Coderre, nous autres, dans les... Justement, il m'a dit, écoute la soirée du podcast. Je te call out, Olivier. On t'invite, le gros. Ah ouais, de gros Denis! Non, mais il est pas au point d'être collé par le finger, là, ou peu importe c'est qui tu voudras, là, mais... C'est pas un premier centre. Mais il est tout le temps sur le cul, Calis. Mais rendu là, c'est quoi le problème? C'est-tu vraiment Desharnais le problème ou c'est pas Therrien qui place Desharnais sur le premier centre? Je pense que c'est Therrien qui n'est pas capable de mêler ses cartes comme du monde. Mais non, mais c'est parce que Therrien fait des mots. Chiant sur le coach! On est là pour ça. Ah, mais Therrien, il veut pas défaire la chimie, là, de... T'as pas le choix de faire ce duo. Si on va se rendre, on va finir 8e. Mais t'as peu. Ça serait la paye drop de la paye snob sans les fêtes. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il mette Galchenyuk au centre puis Desharnais sur la strade. Rendu là, j'essaierais le powerplay. Non, parce que Desharnais... Powerplay, c'est 5. Desharnais, si tu mets pas que Patchio, il fait fuck all. Puis eux autres, ils ont un contrat de 3,5 millions avec ce gars-là. Ils veulent pas perdre la face, man. Fait qu'ils font comme gars, Chris. Faut qu'on ait l'air intelligent. Pour l'instant, le premier trio, si tu regardes le premier trio complet, ça l'a pas aidé. C'est pas le même, faut que tu regardes ça. Le premier trio complet, ce qu'il produit. Oui, ils ont compté un but la dernière game. OK, ben bon. Non, c'est pas vrai, l'autre game d'avant. C'est ça. Mais non, mais c'est pas grave, il faut que tu regardes ça. Bon, ben pourquoi je toucherai au premier trio? Attends un peu, moi je vais donner un moins. À part qu'il touche à soi. Je vais donner ton moins. Ouais, mais j'en ai un autre. Il y en a juste un moins. T'en as pas deux, Calis. Comme lui, il est spécial. Ouais, mais on l'a dit au début de la saison qu'on pouvait donner plus de moins cette année. Ouais, mais Mallette, il est fuck. Je vais donner un moins. Je vais donner un moins collectif à l'équipe. Quand ils perdent. Non, mais quand ils perdent, là. Quand ils perdent, ils perdent. Ils, hein, perdent en tabarnak. On compte pas une estipu, man. Hey, on se fait blanchir quand on perd, man. C'est dégueulasse. Puis là, Rosival qui vient de scorer en plus. Pas de bon sens. Sacrement. Alexandre, ton moins. Toi, dans mes poches. Moi, mardi, je checkais la game. Puis c'est un joueur qu'on n'avait pas d'attente vraiment, tu sais. Puis un joueur qui était pas mauvais, qui était juste pas bon, ça. Puis mardi, à la fin de la game, je me suis dit, calvaire, je l'ai pas vu. J'ai checké les stats parce que je pensais qu'il avait pas joué, qu'il était benché toute la game. Gallagher. Puis il a joué 17 minutes. Paranto, tabarnak. Ouais, mais t'es mis sur le troisième trio ou tout. T'es Paranto, calvaire. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Ben, je te jure, je l'ai pas vu. Je cherchais son numéro. Je l'ai pas vu une fois. Non, mais le benché. Il a joué 17 minutes, puis je l'ai pas vu. C'est-tu son numéro? C'est quoi? Non, mais il a raison, parce que c'est pour ça qu'à soir, je suis sur le troisième trio. On le voit pas assez souvent, je me souviens plus. Mais reste, c'est pour ça qu'elle soit juste du troisième trio. Je pense même Michel Therrien s'en aperçoit. Je suis pas loin, j'arrête 51, moi. Je suis comme, je le regarde dans un miroir. Ouais, moi, ça, c'est d'Armand. Mais je donne la parole. Gallagher, pas connu. Gallagher aurait pu avoir un moins pour les dernières games aussi. Ben, la dernière. Son centre l'aide pas. Il a joué une minute en première, je sais pas. Une minute 27 dans la dernière game, il a vraiment pas performé. Mais ça fait une coupe de game. Ma troisième est en feu, man. Ouais. Par exemple, ça l'a fouetté en troisième étant en feu. Ça l'a fouetté. GF. Je vais donner mon moins à notre plus grand salarié, Subban. Ouais, voilà. Place-toi, Calis. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais tu peux pas dire. Tu peux pas parler le cadre de la saison est passé. Non, mais sérieux, là. Tu le calé out. Non, je le calé pas out, mais t'es un champion, Norris. T'as le gros contrat. T'es supposé être la vedette de l'équipe. Ah, mais tu sais, c'est arrivé à Carson, à Ottawa, la même assise d'affaires. Ah, mais là, c'est parce que je comprends pas c'est quoi son problème présentement. Le contrat, man. Le contrat, il a. Le contrat, il est monté à tâche. Je pense pas, je pense c'est ben, trop d'argent. Essaies-tu pas trop d'en faire? Je pense que t'as tellement peur de faire une erreur, on dirait. En tout cas, je sais ah, mais pas. Là, il faillit une marde. On dirait qu'il est pris entre le désir de faire des jeux simples et de bien jouer. Ben, attends un peu, là. Subban a quand même, genre, troisième meilleur pointeur de l'équipe. Ouais, mais son problème, c'est en défensive, là. Ben, même ben, là, il monte plus. Hey, non, non, non, non. Tu sais, mettons qu'on perd 2-0, là, avant, il partait. Ouais, ouais, mais je veux dire. On va plus faire ça. Ok, relancer l'attaque, peut-être. Ok, on va parler de moi. Je t'ai appelé de ma phrase, Dave m'a coupé. Vas-y, finis ton affaire, Mozart. Ben, non, non, vas-y, finis, GF. J'ai l'impression que Subban est pris entre le désir de faire des jeux simples et bien faire jouer l'équipe, puis son tempérament exubérant de vouloir faire des jeux fancy. On dirait qu'il sait pas comment se placer entre les deux présentement. C'est ce que t'allais dire. Je pense qu'il est pris entre l'arbre et l'écorce. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne phrase. Ben, je pense que le problème, pour voir ta question, c'est que les équipes font un plan de match pour Subban. Fait que ça l'aide pas, puis c'est pas ajusté. À chaque fois que Mallette parle, on entend juste Alex faire comme. En tout cas, c'est moi. Non, mais parce que. Ok, oui, c'est vrai. C'est juste que. Tu sais, tu joues contre Crosby, il y a un plan de match contre Crosby, il y a un plan de match contre Kovichkin, il y a un plan de match. Tu sais, je veux dire, ils en ont toutes, puis eux autres sont capables de se débrouiller. C'est à lui de faire ça. Ça débrouille tout. Mais Subban fait des erreurs. C'est vraiment mauvais. Il est mauvais sorti de zone. En défensive, il est mauvais. Il n'y a pas de relance. Ah, il manque sorti de zone tout le temps. Il en fait des belles des fois. Il participe quand même au succès de l'équipe. Non, mais il essaye, mais il fait plein de revirements. Il fait plein. Il est aussi. Il participe. Autant il participe au succès de l'équipe. C'est quoi, c'est plus moins présentement? Ok, mais t'as peu. Check. Moi, je veux dire. Il est plus un. Moi, autant. T'as peu, Marc. Bon, ouais. Autant il participe au succès de l'équipe présentement, autant il participe. Ben, au fait que l'équipe gagne, quand elle gagne pas, il participe à vraiment la défaite. À la défaite parce qu'il est pas bon en défensive. Ouais. Il crée des revirements. Il a pas de relance. Il crée des revirements. Bon, alors, non, mais je trouve, moi, que Subban, en plus. Il fait une passe. Revirement! Non, mais il y a du monde qui voulait, en plus, comme vraiment beaucoup donner le C à Subban. Je pense que ça vient de switcher cette année. Il a perdu. Sérieusement, il se comporte pas comme un gars. Il fait pas comme. Il a essayé au début, mais au début, ce qu'il faisait, c'était sa campagne médiatique, là, plus que d'autres choses. Ouais, mais les premiers matchs, pis tout, ouais, on dirait qu'il voulait prendre le rôle de leader, mais ça a juste non, mais c'est à glace en ce moment. Il est même pas capable d'aller chercher ça. On dirait qu'il a comme plus de confiance. Il se cherche, il est perdu ben raide. Puis c'est comme Chris. Ben, il est là, il sera pas capitaine. C'est pas le capitaine. C'est la vedette de l'équipe, mais c'est pas le capitaine. Puis là, il joue pas comme une vedette. Il joue comme un capitaine, on rookie. Ouais, mais il jouerait écœurant. Ah ouais, il allait à Hamilton, il traînait sa poche de hockey avec son contrat de 9 millions. Jeff, ça serait notre meilleur def en ce moment. Vraiment. Là, sur papier. Oui, c'est notre meilleur def. Okay? C'est notre plus gros nom. C'est supposé, oui. Mais meilleur défenseur offensif. Mais. Non, défenseur mais défensif. Peu, à maturité, ben à maturité, ce gars-là, il va autant faire des. Oui, oui. Il va faire des gouffres. Ouais, non, ça, mais il faut être patient. Le meilleur défenseur, c'est quelque part juste en bois. Mais en tout cas, gars, sur papier, c'est le meilleur. Okay? Markov est beaucoup plus en stable point. Que lui présentement. Ouais, je pense qu'il est plus stable. Mais est-ce qu'il est fini? Mais non, non, non, non, non, non. Ouais, mais il reste plus là. Markov, voyons. Markov, le monde, on voulait s'en débarrasser, man. Puis Markov, cette année, c'est vraiment notre défenseur. Le meilleur. Le plus fiable. Non, non, mais Dave, ce que je t'ai dit, c'est ce dernier mille, man. Bataille, mais c'est vrai. On l'a pas signé pour 20 ans, Chris. On l'a signé pour 3. Dave, attends ce que je te dis. Markov, ouais. Markov l'a joué là, des 21-22 minutes. Là, ça achève. Il a signé pour 7 ans. Tu sais, là, puis il fait de plus en plus. Ce que je te dis, Dave, non, c'est que c'est fini. Là, Dave, t'écoutes. Non, mais c'est un russe. Là, il, check Gunchar. Il est intéressant en forme. C'est encore lisse. Il ralentit, mais il ralentit pas tant que ça, Markov. Là. Je il... trouve non, non, non. Pas ralentir. Un autre, tu penses qu'un défenseur, là, que ça soit super vite. Là. Mais non, mais il est pas lent, Markov. Ça patine comme un forward. Ben, Markov, moi, je vois des affaires que je traite pas tout le temps. Là. Puis c'est plus Markov que là, 5 ans. Non, mais là, tu peux pas dire que c'est pas le meilleur dev du Canadien en ce moment. C'est le plus stable, mais potentiellement sur papier. C'est aussi le meilleur défenseur. Ah, là, on va la question. On parle pas de potentiel. C'est Dave, la fin de semaine. C'est que, gars, souvent, ce que je te dis sur papier, c'est ton plus gros salarié. Ouais, sur papier. C'est le meilleur, OK? Sur papier, nettement. Mais c'est qu'actuellement, il fait pas la job. C'est that's it, là. Markov, oui, c'est le meilleur. Fait que Redden, sur papier. C'est le meilleur sur... glace. OK, mais c'est sa glace que tu gagnes des matchs. Ouais, mais si on se fie de sur papier, le Canadien devrait pas être en position où ce qui est présentement. Là. Islanders non plus. Non, Chris ment pas. On va parler d'Alak. La première est finie. Ouais, faudrait pas notre premier. On a tout de bière ici. Fait qu'on va aller. On va faire la première entraque. On va aller se tirer une piste, prendre une bière et on va revenir pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Prends une bonne whiff, mon Dieu. Une bonne whiff de micro. Ça sent la mousse neuve. Alors voilà. Grave, non. Elle est juste pas beaucoup d'usure. Des momois de pré-lavé. Alors, avant d'y aller sur les détails du Canadien, on peut faire le résumé des matchs rapidement, là, sans trop s'attarder à tout ça. Puis si vous avez de quoi sur un match en précis, vous m'arrêtez. Alors, match numéro 18 contre les Flyers. Le match que la soirée du podcast, on sent belle. On a gagné 6-3. Bon match. Bonne game. Comme j'ai dit tantôt, que je me rappelais même pas du score après. Une des meilleures de l'année, je pense, ça, du Canadien. Ouais. Après la meilleure parce qu'on était là. La meilleure que je me souviens de pas grand chose. Ouais, c'était fou. Mon meilleur souvenir du mois. Là. Game 19 contre les Red Wings, on a gagné 4-1. Oh yeah. Ouais. Ça allait bien. Hein? Ouais, après ça, ouais. Game numéro 20 contre les Pingouins, une défaite de 4-0. Ah, et voilà. Perdu par une autre défaite de blanchissage, sti. Ouais, là, il y a eu. Le premier but a été causé par un revirement de Beaulieu. C'était terrible. Il a fait une genre de passe transversale en zone défensive. Puis c'était dégueulasse. Peu importe ce qui a causé le premier but, man. Non, mais c'est là que. C'est à partir de ça. Oh, ouais, c'est oui. Souban, c'était terrible. Le duo Beaulieu et Gilbert, c'était dégueulasse. Quand le Canadien perd, le Canadien perd pas. Le Canadien s'écroule, man. Il perd avec classe. Ah, il perd avec disgrâce. Ouais, ça manque de classe, tout ça, je pense. Peut-être disgrâce aussi. Oh! Game numéro 21. Contre les Blues, on a gagné 4-1. Après ça... Ouais, Martin et moi, on était là. Bonne game live, ça? C'était une très bonne game live. Le but de Weeze qui a comme relancé l'attaque du Canadien, c'était juste malade. Il a comme attendu, puis il a comme intercepté une passe du défenseur en arrière de son net, puis il a scoré. Ouais, il s'y gonnait trop longtemps. C'était fan de Dale Weeze. Dale Weeze, il est fou, man, de ce temps-ci. T'as acheté un chandail Weeze? Ouais, juste bandé. T'as acheté un semi-croquant à Weeze. Non, parce que c'est comme un... Juste bandé temporaire. Non. Dave, si, man, il me l'a dit ce soir-là, il y avait un nasty de bonheur. Ouais. Non, j'avais pas... T'as confondu bonheur pour bonheur. Ah, c'est long, ça. Je l'ai dit à la Bergevin, c'est bonheur. Game numéro 22. On a battu les Bruins 2-0. Oh yeah. Toujours satisfaisant. On a le numéro des Bruins. Ouais, Price était incroyable. OK, mais en passant, les Bruins qui sont comme même plus... Ils n'ont pas l'ombre d'eux-mêmes présentement. Mark, on va le dire, sont méconnaissables. Moi, ce ne sont pas les Big Bag Bruins. C'est comme une transformation. Un team différent. Les Bruins l'ont dans le cul. Et voilà. Game numéro 23 contre les Rangers. Une grosse défaite de 5-0, encore une fois. Ça, c'était Le Canadien a-t-il perdu 5-0? D'après moi, à Montréal, on tripe, c'est grosse. Les grosses défaites, les grosses bières, tout ce qui est grosse, on aime ça. 10 grosses. 10 grosses. Game numéro 24 contre les Sabres. On a perdu 2-1. C'est tabarnak, là. Ça, ouf. Non, je suis d'accord avec toi. Non, vas-y, laisse-toi. Les games, hey, les Sabres. Les Sabres avaient une fiche de 4-16. Tabarnak. Oui. Ils ont gagné deux games en ligne. Les Sabres, là, avec leur victoire contre le Canadien, ils se sont lancés. Ils ont gagné comme 4 games, 5 games de suite. La game numéro 25, justement, on a perdu encore une fois le lendemain contre les Sabres. Une défaite de 4-3 en tête de barrage. Tu peux pas te permettre de perdre deux games en ligne contre les Sabres. Ça fait dur. Puis je lâche un petit point sur Brian Gionta. Hey, femme ta gueule. Chris, est-ce qu'il y a le coup de Yamlin. Sors le doigt, Jeff. On sort le call of finger en ce moment. Tiens-toi prêt, Gionta. Sors le doigt. Hey, Chris, c'est long, tu le mets. Faut tu le mets. Ouais, il est où ton doigt, là? Gionta. Le doigt était bien loin. C'était mon tabac. Non, mais non, mais on a caché tous les caméras. Gionta, là, la chatte qui a mangé sa gueule à Yamlin, excuse-moi, mais c'est-tu de ta faute, tu es petit? Oui. Non, à tes parents, peut-être. Mais vraiment, là, c'est la génétique. Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Non, c'est un coup à la tête. Il a plongé dans le bras, Emeline. Non, mais sérieusement, là, pour vrai, là. Aujourd'hui, mais Gionta, t'es un diver, man, dans le fond, c'ti. Puis t'as divé dans le bras. Même le game, ils se sont pognés un peu encore. Mais ouais, ils voulaient régler ses deux games. Ils beurraient en tabac. Puis tu vois, si Georges a choqué ben raide des deux games, t'es même pas là, il était blessé, monsieur. Là, j'ai mal aux genoux. Ça faisait trop de peine. Il était blessé, à l'âme. C'est sûr que le monde l'aurait pas eu. Il était blessé à la laine, ben comme dirait Pat Burns. Là. Mais c'est quoi qu'il y a eu dans le fond, c'est quelque chose de médical. Emeline, y a-tu de quoi, genre? Non, il y a eu une amende de 11 000 ou 12 000, quelque chose de même. Il y a eu d'amende, mais il n'y a rien eu de suspension. OK, mais... Mais il y a eu, oui, il y a eu une amende. Il y a juste eu un 2 minutes dans le game. Ça n'avait pas rapport, cette affaire-là. Ben oui, lui, il a eu 2 minutes, puis c'est qui a eu 5 minutes? Ten Grady qui a eu 5 minutes, genre... Ton gradi. Il a éclaté la tronche du gars, le gars le sent pissait dans sa visière, là. Ça méritait pas un c'est un beau bar, c'est parce que le gars ça méritait 2 minutes. Ben c'est ça, c'est ça le problème, c'est parce qu'il saignait qu'ils ont donné un 5 c'est minutes, cogné là. Le casse, ah mais Tangredi, c'est la faute de son casse. Ah mais Tangredi, on va se dire au moins une affaire, c'est cogné le casse, il est pas petit, c'est cogné le casse dans la face. Non, mais Tangredi, je ferais des calls comme à la lutte dans la foule. Who are you? Moi, Tangredi, l'affaire, c'est que... Il a pas pris une bonne. Moi, j'ai écouté Prison Break, puis il y avait Sarah Tangredi. Elle était chaude. Elle était chaude. Fait que je laisse une chance à Tangredi. Mais tu sais, il est peut-être frère. Alors voilà, le commentaire. Si c'est peut-être quelque pour sa pseudo-sœur, là, on va laisser faire. Lui, il est tellement. Tu le reverras peut-être pas. Vas-y, JF, que ça. Ah, mais il y a le numéro 17, par exemple. Après la game, j'ai eu le malheur d'écouter le gros en direct, la game en samedi. Puis Mathieu Dandeneau, là. Le qui moi, en mais, direct? Ah, OK. Le gros en direct. C'est que je l'ai. Mais tu peux pas haïr Jeff en gars contre TVA Sport. Dave Morissette, tu peux pas haïr ce gars-là. Ah, je l'ai, c'est ça. Il a l'air d'un gros ours. Il a joué 10 games dans la ligue. Puis quand il se battait, il se faisait planter. T'as peur. Il s'est battu contre Probert. Il a gagné. Il a ouvert Probert, par exemple. Il a animé Fort Boyard. Ça n'a pas dénigré. Probert, il est sur un temps d'ailleurs. Mais quand même. C'est quand même un des deux d'honneur. Écoute-les pas, si Dave, moi je t'aime. Continue de même. Puis moi, Bob Probert, c'est pas l'air. Tes linges podcast, sont trop serrés. Tes linges. Ben, non, le problème, c'est pas Dave Morissette. C'est pas lire, tes linges sont trop serrés. Non, mais on va se le dire, il est allé à surinvitation seulement avec Stéphane Rousseau, puis ça a pas l'air d'un génie, là, non plus. Là. Qui ah, mais c'est un joueur. Dave Morissette. T'appelles ça à c'est un goût. Non, mais il est drôle. Ben, il est drôle, il est funny. C'est pas qu'il est drôle, c'est un gros demain. Un gros demi. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il est drôle. Ah, mais le monde, il l'aime parce que c'est un gros sympathique. On va résumer ça. C'est un gros demi avec un show de télé. Hey, c'est quoi voilà. Le show de Guy Jodoin là, qui jouait là, Chris Allé? Non, le tricheur? Ouais, le tricheur. Chris Morissette, je l'ai vu là, au tricheur. Oh ouais. Chris qui est mauvais, les questions de sport, est-ce qu'il s'aime pas les réponses? Puis il faisait pas exprès, là, il était sérieux. Là. Ah, mais Chris, c'est un jeu. Peut-être c'est le tricheur. Couillé, c'est un jeu. Non, c'était pas un tricheur, c'était pas lui le tricheur. Peut-être c'était lui le tricheur. Mais non, c'était bref, mon point c'était sur Dandeneau. Puis Dandeneau, il disait okay. Oh, je souhaite un but avant Noël à Manny Malhotra. Chris, ta gueule! Il est là pour faire les mises en jeu. Et voilà, Chris Dandeneau, si ta femme t'a quitté, pourquoi tu penses? T'es plus capable de tenir des boîtes pour faire des rénovations. Non, mais vraiment. Mais amène ça du côté personnel. Jeff, il y a comme des informations de... Tant de nos, là! Si! Bon, ça y est. Magazine chez Winner. Faut changer de place. Faut le doigt dans la face. Ouais. Il va falloir que JF Alex switch de place bientôt pour que JF fasse des call-outs straight à la caméra, je pense. Là. Ok, ben oui, ça, je l'ai dit sur le gros en direct. Mallette, là, il est comme ses catch, il était là à starter, mais à start, il est pas arrêtable, si mon gars. Les calls personnels, disgracieux. La gauche, man. Grosh premium, là. Ok, c'est puis la bière. En passant, le Canadien va se faire scorer. Encore? Encore, tabarnak! Puis pourquoi on parlait du gros Martial? Puis le 4 points était pour Dandono. Tu parles, là, 1960, là. Je parle que là, présentement, hey, le Canadien vient de anyway, anyway. Hey, Mallette vient de me faire pogner un bouillon, man. Ah, il est rendu là, Francis Bouillon. Un bouillon voilà. De U. Hey, man, j'ai de la... Hey, man, okay, j'ai la bière dans le nez. C'est la première fois que ça m'arrive, man, dans la soirée du podcast. On se ramène à l'ordre au sujet. Dernier match que le CH a joué, match numéro 26 contre l'Avalanche. Ok, c'est de ça qu'on parlait. Ouais, en fait, c'est les matchs, là. Numéro 26, contre victoire de 4-3 contre l'Avalanche. Ça va pas bien pour le Roi Patrick présentement. Là. Ah, ben, ça va pas bien pour personne dans son équipe. Mais là, ok. L'année passée. Mais j'ai là... plein de joueurs de l'Avalanche dans mon pool. Merci, man. Okay, j'ai Higgin là, j'ai McKinnon, c'est le seul qui performe. Mais Higgin là. Il devrait prendre son nez puis le j'ai pointer genre, de bord. C'est qui c'est que j'ai d'autre? C'est qui l'autre que j'ai? C'est qui que j'ai? Landeskog. Ouais, j'ai Landeskog. Toi, tu sais, les choix de pool à Dave, c'est quoi, là? Ben, oh, j'ai pris un gros game. Yeah, Canadien scoré. Bon, ok, bon. Ok. Ah ouais. Mais, ben ouais, mais. Écoute la game, les tabarnak. Dans la game de 1960. ils ont un feed sur le laptop, c'est ça, hein? Non, on le sent, là. Ça fait le feeling. Sur la game de l'Avalanche, là, ouais. Juste une petite déclaration. Il y a des journalistes qui ont demandé à Roy des questions sur le management. Il a dit, hey, les rumeurs, blablabla. Il dit, c'est pas moi le directeur général, en passant. Fait que c'était comme un low ball à Joe Sakic en voulant dire, regarde, c'est lui qui a pris mauvaise décision. Non, en voulant dire que posez-moi pas de questions là-dessus, je répondrai pas. Pourquoi tu fais pas négatif? Roy était fier de dire qu'il faisait partie des décisions, mais là, whoop, il s'en mêle plus. Ouais, mais il est pas si big que ça, là. Puis je pense que c'était peut-être plus pour caler qu'il assumait son rôle de dire, regarde, moi, je suis. Plus c'est journaliste, les gars, arrête de poser des questions, je peux pas te répondre. Ah, mais il y a des astuces de questions niaiseuses et tout, là. Moi, je propose qu'on soumette JF au trophée de la recrue de l'année, là. Sérieux, là. Frappe tout ce qui bouge. C'est comme un. Mais je le prends avec fierté. Bon, il y avait Alexandre qui faisait un aller-retour entre le gros club et Hamilton l'année passée. Là. Ouais. Bon, pendant les games du CH qu'on a manqué, Michel Therrien a acquis sa 300e victoire dans la NHL. Good for him. Bravo, Michel. Eh oui. Est-ce que Fire. Michel Therrien est un bon coach? FireTherrien.com. Selon vous, il y a plein de monde qui chante encore, c'était rien. Est-ce que c'est un bon coach selon vous? Parce qu'il benchait Subban, là, il bench plus, puis gars, Subban, c'est meilleur, là. Chris. Non, mais je pense que le monde qui parle contre Therrien, là, fermez donc vos yeux, Chris, esti, vraiment, là. Toutes les décisions que tout le monde a chialé, ça a toujours viré en positif pour Therrien. C'est un très bon coach. Michel. Michel, je respecte fort de la gorge, Therrien. Mais moi, il y a des affaires, par exemple, que, tu sais, en tout cas. Il y a des affaires qui fait qu'il me tape un peu ses nerfs. Mais comme quoi? Comme ça, là? C'était quoi ça? Attends, t'es rien que respirer la gueule. Il est mieux de comprendre. Ok, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un son en même temps. Ah, c'est moi. Ok, c'est toi. Yes, c'est. Oups, excusez. Il y a comme plein de sons par rapport là, qui se passent. J'essaie de mettre un son, mais je le trouve pas. Il y a des décisions qu'il prend que des fois, je trouve ça doux. Dans le cas de René... Je l'ai isolé, fait qu'au besoin, à cette heure... Dans le cas de René... Hey, man, plus ça va, plus ça vient comme René Angelil. On dirait... Vas-y donc. Dans le cas de René... À chaque fois que tu le mets, genre, c'est encore plus comme des espérés. Dans le cas de René... Justement, on va parler de René Bourque bientôt. À part si vous avez quelque chose à dire, c'était rien sur les 300 victoires. Ben non, félicitations. Good coach. Bon, des choses qui se sont passées durant l'après-midi qu'on n'a pas fait de podcast. Il y a Max Paiement de dernier podcast qui a fait remarquer que les propos sur Subban à l'antichambre du 16 novembre. Je pensais que tu parlais des propos de Subban de nous autres de la soirée du podcast. Légèrement racistes. Non, mais là, ok, Subban a commencé à faire le genre de X de DX là, quand il score. Là, puis là, ils ont commencé à faire des reproches à Subban pour le X, mais il n'ira pas juste lui. Non, c'est Weezy. C'est pour Malcolm X. Bon, ils ont ri de sa tuque aussi, puis ils ont fait des attaques personnelles sur Subban. Vous êtes dégueulasse, calice, en chambre, là. Gaston Therrien, c'est-tu lui le coupable? Je sais pas, j'ai pas trouvé l'extrait audio directement. Là, mais... Ben, je suis sûr que c'est Gaston. Moi! Attends, c'est qui l'animateur? Le prochain podcast, je m'achète Stéphane, la grosse. Stéphane Langdo, je te call out un chat. Moi, je le call out, t'in. Stéphane Langdo, fuck you. Je te call out un challenge d'animateur d'émission de sport. Va chier, mon esti. Puis Gaston Therrien, ce que j'aime pas de Gaston Therrien. C'est violent, man. Ouais, fuck off, on est 18 ans et plus, on l'est pas. Mais Therrien, là, Gaston, je parle. Tu sais, quand Therrien. Ben, là, c'est comme notre goon, ici. Ah oui, voilà le coin, c'est rare. Voilà le coin. Non, mais c'est un hostie grinder, là. Vous avez déjà entendu parler de ça, Mané? Gaston Therrien parle de Michel Therrien, puis il dit Therrien, là, c'est un vrai Therrien, esti. Il sait comment ça marche. C'est même pas un gars de ta famille, esti. Ben oui, son cousin. Ben non. Vrai? Oui. Non, c'est impossible. Yeah. Impossible. Non, non, non. Oui. Non. Really? Yeah. Je vais checker Alex, sur Wikipédia. De... Hey, je veux un arbre généalogique, esti. Il l'a dit qui? Il l'a dit. Est-ce Alex l'a entendu dire par... On criera pas Gaston. Il l'a entendu dire par Skype. Non, non, c'est des cousins. En tout cas, bref. Là, tu viens de péter la ballon à JF. Sur ce sujet-là... Il va chercher. Je vais checker ça, esti. Va voir cet arbre généalogique. Sérieusement, l'Antichambre, c'est une émission de sport, en guillemets, professionnelle, d'analyste. Vous chialez sa tuque à Souban. Tabarnak, là. Non, mais une opinion, man. Ben, oh, mais une opinion pas... sur sa crise de tuque, man. Ils ont une off. Opinion, man. Moi, je pourrais chialer sa tuque à GF. Ben, vas-y, chiale dessus. Si donne-moi ton dessus. Call-out finger. Moi, ce que je te dis, c'est que l'affaire là, du X, là, quand tu joueras mieux à Sti, là, laisse tes hosties de fanfare en hâte de côté. Hey, okay. Non, non, Marc, tabarnak, là. C'est une histoire du vestiaire, ça, là. Moi, là, ce que ça... Non, non, non. Ça vient du vestiaire. Les gars ont l'air de triper sur D-Generation X de 2002. Je sais pas pourquoi, là, ils ont sorti ça. Moi, là, honnêtement... Là, on a vu Tokarski faire un stunner. On a vu des gars faire des X et des X. Esprit d'équipe. Je vois pas c'est quoi le problème. Voilà, bret ça. Mais il peut-tu bien faire ce qu'il veut? Bon, dans le fond, il peut bien faire ce qu'il veut, mais admettons que quand Price, admettons, il gagne en fusillade, puis il fait comme un nasty move à la fin, comme il a déjà fait, puis qu'il fait plus jamais maintenant. Ils ont enlevé. C'est comme, asti, ça, je trouve ça hot parce que tu livres l'asti de marchandises, mais c'est parce que Subban, c'est juste que des moves exubérants comme ça. Oui, c'est cool. Pas un move exubérant, oui, ça donne. Là. Non, mais t'as peu. C'est parce quand même que là... subtil. Okay. Puis il y a des joueurs de foot et tout qui ont fait ce move-là. Puis... Non, je sais pas. Quand même... C'est pas comme il a enlevé son jackstrap. Ouais, mais là, ben, pourquoi qu'ils n'ont pas aimé ça? C'est parce qu'ils ne voulaient pas le dire. Pourquoi? Puis les journalistes, je pense, ça les a frustrés. Mais oui, c'est clair. Quand ils disent ça va rester dans la chambre, puis ça reste dans la chambre, les journalistes, ils essaient tout de trouver. C'est pas compliqué, c'est la DX. Ils ont pas des VHS de lutte. En plus que Tokarski a fait contre. Il a fait un stunner. C'est sûr c'est relié à la lutte. Ben oui, là. Ils sont sur un gros trip de Attitude Era de WWE. Bon, en tout cas, dans le fond. Ouais, au pays, je veux dire, si on se fait des trips ensemble. De même, mais je trouve juste que si le gars, il livre pas marchandises tant que ça, puis il devrait plus low profile que ça, si quelqu'un qui livre pas tant que ça. En tout cas, je trouve que c'est juste ridicule de le critiquer là sur son jeu, critiquer-le pas sur sa tuque, puis son au moins critiquer-le sur son petit col roulé qui se met, son petit jacket après la game. Non, au pays, critiquer-le donc, son esti de jeu qui vaut pas de la marde. Voilà. Alors voilà. Check. Check. Bon, alors. Finalement, t'as rien. T'as rien, bon compte. Ouais, d'après ce que j'ai vu sur Google, ils sont pas dans la même famille. Ben, il a rien vu sur Google, je checkais ça. Il avait rien. Il jouait à Candy Crush. Il aime ça sur un forum. Il laisse Pornhub, let's go. Il s'est dit pas que celle-là, c'est manger. Est-ce que c'est son frère? Non, bon, fait que, en tout cas. C'est ton préféré, celle-là, JF? Quoi ça? Pornhub? Non. Ok. J'en ai d'autres. Fait que, entre les deux podcasts, Bergevin a eu un rêve. Hier, je me suis couché, puis j'ai eu un rave. Et finalement, a réussi à échanger... Elle est bonne à chaque fois. René Bourque. Ouais. Contre... Brian contre Monsieur The Flash, le gars avec le plus de vitesse, Barry Allen. Ah non, excusez, c'est Brian Allen. Ah, je me trompe. Ben, c'est un peu comme... C'est le gars le moins vite de la ligue, excusez. Dans le fond, mon truc, moi, je me dire, si je pense à Brian Adam... Il est aussi vite que Gunshar. C'est Brian Allen. Il est aussi vite que Gunshar. Ouais. Gunshar a 40 ans, ouais. 8 ans. Ouais, Brian Allen a 35. Bon, alors, fait que finalement, on parle de speed, c'est pas d'âge. Je pense que Gunshar a 64. Fait que je propose qu'on écoute. Là, j'ai des commentaires de Bergevin sur tout ça. Alors, il y a un journaliste qui a demandé est-ce que Bourque était déçu de partir de Montréal. Alors, voici la réponse de Bergevin. Déçu. Il était à Hamilton, il s'en va à Anaheim. Non, il était pas déçu. Alors, Bergevin fait rire l'Assemblée. J'aimerais ça savoir qui c'est qui a posé cette question-là. Ben, je sais bien. Chantal McCabe. Tu sais pourquoi on aimerait ça savoir? Parce qu'on te calerait hors de mon tabarnak. Ben, je vais Chantal McCabe. C'est pas vrai? Hey, toi, mon estime, t'as ça. Toi, Chantal McCabe, donne-moi ton call. Non, mais après ça... Ça, c'est genre de call à François Gagnon. Chantal McCabe, toi, t'as déjà en suçant tabarnak des graines pour te rendre sec que t'es rendu aujourd'hui. Ouf! On va se faire poursuivre. Mais en tout cas... sûrement pas, parce que je c'est me dis ceci vrai. De ses propos. Ouais, ouais, effectivement. Non, aussi, non, c'est vraiment ça. On a des moi aussi, en tout cas, pour retourner sur le code Bourque, moi aussi, je il y avait une deuxième partie à la réponse de Bergevin sur l'échange de Bourque. Fait que là, il a répondu à la question qui était qu'est-ce que tu souhaites pour Bourque dans le futur? J'aimerais juste qu'on se rappelle de ce que Terrien avait dit sur Bourque. Il est mieux de comprendre. Alors voici la réponse non, de... Non, ça c'est pas pour Bourque. Oui, c'est pour Bourque. Non, pour White. C'est pour White, White, Ryan White. Appliquons-le à Bourque également d'abord parce que ça va avec la réponse de Bergevin. Bourque, j'appelle Bourque. René, il a compris. Je pense qu'il était prêt à partir, à tourner la page. Puis écoute, moi, je serais pas surpris du tout qu'en allant en arrière avec les Ducks, avec, c'est pas moi qui va décider, avec mais c'est un joueur capable de jouer avec des bons joueurs. Puis il est capable de produire encore. On l'a vu d'insérer. Alors, je le souhaite le mieux pour lui. Puis j'espère qu'il va les produire à Anaheim. Puis qu'il soit produire. Heureux. Parce que pour moi, puis ma discussion avec le Bob Murray qui croit en René, écoute, j'ai dit René est encore capable de jouer au hockey. C'est juste qu'à Montréal, je pense pas que ça va fonctionner. Alors, j'espère le mieux pour lui. Dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il est capable de jouer au hockey, mais pas à Montréal. Non. Ce qu'il a dit au gars là, de Anaheim, c'est genre écoute, man, je te passe une vidange. Que je pense qu'il est encore capable de jouer au hockey, mais au pire, arrange-toi avec, je m'en calisse. Il a dit, là. Je te passe une vidange, passe-moi tes vidanges, puis on fait un échange de vidange. C'est comme un échange de vidange. Bourque Anaheim a été pairé sur un hostie de trio aussi au début. C'est un échange de fil. Ouais, c'est un échange de vidange. On se fait pousser par les dendrolets, Dave, dis pas ça. Mais non. Non, mais en tout cas, il a été pairé sur un gros trio. Je me rappelle plus des joueurs, là, mais voilà. Il y a sûrement quelqu'un dans les 6 qui s'en rappelle. Ouais. Ben, là, il va être pairé aussi. Il va retourner dans la Ligue américaine. Un petit potin, pour là, pour ceux qui ne le savent pas, Bob Murray, c'était le premier coach en beurre à Mac Bergevin dans le temps. Ah, c'est pour ça. Hein. Fait qu'il dit, t'sais, je t'ai laissé faire ça. Ensemble. J'aimerais connaître tes sources, GF. J'aime peut-être mieux Twitter. Pas les connaître. Twitter. Twitter. On sait que ce qui est sur Twitter est véritable, voilà. Bon, ben moi, je vais écrire. C'est sûr, c'est le motel où je n'ai. Fait que Bergevin a commenté également sur le trade sur Allen. Fait qu'on va écouter ce qu'il y a à dire sur Allen en tant que tel sur le trade. Bon, j'ai hâte d'avoir. On amène un joueur avec un gros gabarit. Moi, encore là, c'est peut-être année d'entendre, mais les défenseurs, tu n'as jamais assez. Fait que, on va peut-être dire qu'on les collectionne, mais encore là, c'est une chose c'est importante. Alors, un gros bonhomme avec du caractère qui performe dans une équipe de l'Ouest, qui est dans pas mal une des meilleures équipes dans l'Ouest, puis qui joue environ 18 minutes. Alors, c'est un joueur qui peut amener... quelque chose à l'équipe qui peut nous aider de ce côté-là. Il peut amener quelque chose à l'équipe. Croit pas. On sait pas quoi, mais il peut amener quelque chose. Non, mais Bergevin, il a raison. Il a raison où? C'est pas raison. Tu pensais pas qu'il était si proche. Non, t'as peu. Non. Il a raison dans le sens qu'il va dire que oui, c'est un gars qui jouait des minutes quand même avec les Ducks, que les Ducks, on s'entend, c'est une équipe qui performe tout le temps. Mais je veux dire, tu l'amènes à Montréal dans un plan de l'amener comme 4e def, 5e def, ou whatever. Ben, ok, 6e. Chris, un doigt dans le cul. Ben, je veux dire, il est pourri, man. Calvaire. Quoi? Non, hey, mais Chris, c'est un call-out dans le cul. Une question pour vous autres, honnêtement. Là. Comparer la défensive l'année passée versus la défensive de cette année. Es-tu meilleur ou est pire? La défensive de cette année versus celle de l'année passée. Es-tu meilleur ou est pire? Ça doit être sensiblement la même affaire. Je suis sûr qu'elle est pire, moi aussi. Moi, je pense que ça doit ressembler pas mal. Ben là, passée, il nous manquait Bouillon puis l'année passée t'avais Subban t'es meilleur t'avais Bouillon je pense que c'est plus mais ça me semble qu'il n'y avait pas tant de revirement que ça l'année passée. Non mais on parle sans dire que les joueurs ont changé tant que ça, on parle de ce que, le résultat, même si les joueurs comme Subban ils jouaient juste mieux l'année passée, là cette année ils jouent moins bien. Mais t'as peu, je veux juste dire genre que moins bonne pareil, je veux juste dire que le trade qu'a fait par exemple Bergevin de laisser aller dans le fond, ben non, de réussir. Écoute, le gars, il l'avait envoyé dans la Ligue américaine, là, OK? Il a réussi à le trader contre un gars qui jouait quand même des minutes dans la Ligue nationale comme def, avec un esti de grosse shape. On n'avait plus de grosse shape tant que ça. Tinordi, moi ça me fait chier parce que je préférais Tinordi est pas prêt tabarnak. Ouais mais non, je m'en fous. Fais-y voir de la NHL. Non. Tu vas vivre avec les horaires de Tinordi. Je peux pas y faire voir de la NHL sinon c'est Alex, mauvais. Il est plus rapide, man. Il est plus rapide qu'Alain. Non mais c'est pas juste ça. On s'en fout de la rapidité rendu là. T'en as 5 autres en avant de lui qui sont plus rapides. Tinordi serait tu pire que Carlin. Ouais. T'es sûr de ça? Absolument. Non. Bon, je suis pas prêt à dire. Moi Alex, ce que je te dis là, c'est gars. On va se rendre. Tinordi est pas capable de prendre une décision avec la POC. C'est pas, je vais te passer, je passe ça. Lui, il hésite même pas. Hier, là, un pack, il fait le passe tout de même. Ça sort de la zone. Dès qu'il y a quelque chose de fun, il a fait. Mais check bien ça, la vitesse, là, quand t'es un sixième défenseur, t'as pas besoin d'être vite. Jusqu'en janvier, février, on va checker, là, Allen. Check bien, man, ses hosties turnover dégueulasses. Check bien, la défense. Il est pas capable de pogner une passe, man. Il est pas capable de pogner une passe. Il a laissé échapper une passe à la bleue, man. Là, il y a quelqu'un, là, il faisait comme est-ce qu'il était dans la zone adverse. Il c'est arrivé une fois parce que la POC a rebondi par-dessus. Ça arrive à Markov puis Subban. C'est pas grave, on va pas une passe de fly. Ça arrive à tous les défenseurs. Pour finir sur pour finir sur le trade d'Allen, il y a une question qui a été posée à Bergevin. Est-ce que tu as fait ce move-là en pensant au long terme? Écoutez la réponse de Bergevin. C'est l'affaire la moins claire que j'ai entendue dans ma vie. Non, c'est tellement pas clair ce qu'il dit. Là. C'est certain que aujourd'hui, quand tu fais une transaction, ça, tu regardes. Moi, je regarde. L'expression anglophone, c'est « short term, mid term and long term ». Alors, je pense que ça rend ça simple. Quand j'ai fait cette transaction-là, je regarde dans les trois départements. Hein? OK, fait tu regardes comme « je regarde dans les trois départements. Moi, il est allé dans le département des jouets. C'est quoi qu'il fait? Il y a de la misère un peu en français, je pense. Il y a de la misère à s'exprimer. Il a perdu son racisme, mais il veut dire, la fois, il a rien répondu. Il dit « je regarde short term, à court terme puis à long terme. » Il regarde dans les trois. Il a dit « short term, mid term, long term. » Il a fait le mot pour sauver de l'argent l'année prochaine. Non, mais Oui, c'est sûr. Allen ne revient pas l'année prochaine. J'espère. John Char, Allen. En se débarrassant de Book, en se débarrassant de Morin, on a libéré beaucoup de place l'année prochaine. C'était salarial. Ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice, mais pas rien que ça. Moi, je pense que ça cache un trade. Pensez-vous que Bergevin n'a pas fini son magasinage encore? Non, il n'a pas fini parce que Tinordi au Beaulieu, il y en a un des deux, d'après moi, ça part. Ah ouais? Je pense pas. Moi, je suis sûr que oui. Moi, je pense pas. Non? Oui, parce que ça va te coûter ça. Ça va te coûter ça pour faire un trade. Un trade pour quoi? Un joueur. Mais pourquoi vous tradez là? Quand ça sera le temps du sujet, là, je vais vous expliquer ça. Faut signer Galchenyuk. Il n'y a pas d'un trade nécessaire présentement. Justement, là, Alex, tu me fais un bon segment. T'abondes dans mon sens qu'on va chercher des defs pour préparer un trade. C'est sûr. Là, qui sont dans le club avec nous. Tu vas chercher quoi? Un ailier. Attends, t'as peu, Alex. Mais je sais pas si ça va être un ailier tant que ça. Non, c'est ça que ça prend, c'est-tu. C'est sûr que ça prend ça pour un power forward, hein? Un power forward. Ça prend un ailier qui est capable de faire un centre de rangaine, man. On est premier dans la ligue, le monde. On est premier dans la ligue. C'est quoi notre fiche dans les deux dernières semaines? On est 8e. Je parle qu'on est quand même bien. Le Goliath est 4e. Ouais, mais t'as peu. Faut pas paniquer non plus, là. C'est le slump. C'est un des fêtes qui commence. Non, mais on est Spider Man a commencé au Thanksgiving. Non, t'as peu. On a eu un slump dans notre voyage dans l'Ouest, OK? Quand on a joué contre Edmonton, Calgary, Vancouver. On a perdu deux games, il me semble, ce fois-là. Non, on a perdu plus que deux. On est dans un autre. Ouais. Ben c'est-tu contre la game contre les Flames au retour au Sandbell? On est dans un autre slump. Ben, pas un slump, là, mais on est dans un autre voyage dans l'Ouest. Puis on dit un slump. On perd trois games, on est dans un slump. Là, on n'a pas perdu à soir. Non, parce qu'on est paniqueux. Parce que tu sais, il y a des équipes pires que ça. Là. Les Oilers sont dans un autre slump présentement. Là. Check, OK. Même on est paniqueux. On en parle tantôt. Puis on en parle tout ça. Puis on parle de Subban. On est paniqueux avec Subban. Mais dans le fond, là, il faudrait comme y laisser encore même un peu de temps. Ouais, mais oui, vraiment. Il va se placer. Je sacrifierais pas un de mes jeunes défenseurs qui va être super. Je ferais pas la même erreur qu'avec McDonald's pour aller chercher un ailier. Ouais, mais t'as peu. Tinordi ou Beaulieu, c'est pas McDonald's. Non, mais je veux dire, les deux sont pas des mêmes joueurs. Il y a bien du monde qui voudrait pareil, je suis sûr et certain. C'est sûr que le monde va les prendre, mais tu laisses pas ça partir. Ça prend trop de temps à développer un jeune défenseur. Tu vas pas chercher ça pour un gars qui va t'aider une année ou un ailier. T'as les éléments en place. Si ça se fait. Si Galchenyuk se développe en bon ailier, là. Qui décide de shooter, t'as plus besoin d'aller chercher un gars. Ouais, mais qui apprenne à jouer à l'aile. Tu peux pas te battre contre les gros clubs si t'as Dernay puis Plekanec comme deux premiers centres. C'est impossible. Jeff a sa prière. Parce que toi, tu veux juste te débarrasser de Dernay. Non, non, c'est pas ça. Moi, je veux qu'on ait un club qui va penser vraiment à la prochaine étape, c'est-à-dire la finale de la Coupe. On n'a pas ça partout. Chris, on a fini en finale de conférence l'année passée. On n'était pas loin. On était proche. Parce que ça va pas être blessé. On s'en resterait rendu en finale de Coupe, j'ai l'impression. Oui, mais on n'a pas le même club cette année. Pour tout de suite, on est plus proche juste pour le fun. De Two Girls, One Coupe. Juste pour le fun, quel allié t'es recherché? Ben, pas Yakupov. Non, pas Yakupov. Je prendrais pas de chance avec. Eberle! Non. Il fait partie de mes choix. Eberle, anytime, est-ce-tu? Ouais. Eberle. I wouldn't take him. Edmonton, il est disponible, t'as pas le choix de t'informer. Je veux pas de russe. T'es genre un jeune défenseur qu'on a un jeune attaquant. Ouais, la filière. Parlant de russe, c'est pas payé ça. On en a plein. Là, est-ce-tu dans la ligue ontarienne? Il roule pareil. Là. Ouais, il tient Bulldogs. Il joue dans la Ligue d'Ontario. Il y a sérieux, là, il y a genre plus qu'un point par game. Mais ça, c'est un sujet vraiment que j'aimerais peut-être qu'on garde pour Je le sais, mais il va bien. La période est finie, les gars. On va passer un refill, ce sera pas long. J'irai ce sujet. Mais on en fait même quand la période est finie. Il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on parle bientôt. C'est ce qui se passe à Hamilton. C'est n'importe quoi présentement. Le coach, puis toute l'équipe est pourrie présentement. Non, on parle de des Bulldogs. Là. Des Bulldogs ou des Oilers. Les deux, là, mais les Bulldogs. Du coach. Ouais. C'est de lui, tu veux parler de faire. Du coach, puis de tout ce qui se passe avec l'équipe c'est en ce moment. Tu veux parler de l'affaire? Il fait des estis niaisés en ce moment, lui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça revirait de bord. Mais non, mais j'ai pas dit qu'on en parlerait là. Je dis qu'on en parlerait une autre fois peut-être, là, mais peut-être que ça a un impact sur les jeunes, ça, justement, la manière que le club à Hamilton se comporte présentement. Là. Really? Peut-être. À voir. Donc, la période est finie. Il me reste un dernier point sur le CH. Je pense qu'on va pouvoir en parler présentement rapidement. Gallagher a signé un contrat de 6 ans à 3,75 millions par année avec le CH. Futur capitaine. Ah ouais. Peut-être. 6 ans à 3,7 millions par année. 3,75. C'est un assez bon deal. Benjamin est comparé à Pacioretty. Il est tellement pas achat à Pacioretty. Il a fait ça. Qui? Ouais. À matin. Ouais. À matin. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que Gallagher, ça va être le futur Pacioretty. Ben là, il est malade. Benjamin, il a dit ça. Je pense pas que c'est le genre de joueur. Benjamin, il a dit ça en matin. Ben, c'est pas le même. Il y a pas Journal de Montréal. C'est complètement différent. Ben, j'ai un extrait audio de Benjamin qui parle de la signature d'un contrat de Gallagher. Il a fait une mini conférence de presse. La question a été tu tiens compte de quoi pour offrir un contrat à long terme à un joueur? Parce que les jeunes ont eu des contrats de transition avant d'avoir des gros contrats comme Subban, puis les Price, puis tout ce monde-là. Voici sa réponse, puis encore une fois, claire. Il répond crissement pas à la question. Écoutez ça. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on évalue un joueur. Puis lui, l'organisation, moi, on était confortable de lui donner un terme de 6 ans partant. Allez, merci Marc, c'était toute une réponse ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a vu. Il faut regarder, on était bien content, on y a signé à long terme. Mais non, les trois premières secondes. Parce qu'il dit, je pense que... Ouais, low profile, man, hostie, là, gars, il a signé un contrat de 6 ans, il dit, moi, je t'aime, tu veux jamais les trois premières secondes? Je te garde dans la famille, hostie. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai, ça fait Jean-Christien un peu, ça. Non, mais c'est correct, il n'y a rien à dire là-dessus. Ben, parce que je pense qu'il voit tout ça. Le monde dit, genre, qu'est-ce qui te motive à signer un joueur de même? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ben, moi je pense qu'il dit... Non, non, mais en fait, la question, c'est plus... C'est une question Chantal Macabre, ouais, ou peut-être l'autre Tata. Il est shafté, man! Non, mais c'est comme... La question, c'est pourquoi tu ne donnes pas un contrat de transition puis il va directement avec le contrat... Parce qu'il a déjà vu tout ce qu'il pouvait donner. Genre. Parce que... Non. Il dit, tu vas jouer le même toute ta carrière, je pense qu'il n'y a rien à prouver. Tour de table rapide, voilà! La bière embarque. Est-ce que c'est un bon contrat à Gallagher, oui ou non? Ben oui. Oui. L'affaire que je comprends pas, c'est que tout le monde parle d'un. Non, non, c'était oui ou non, là. Là, moi, je. Non, non, vas-y, je... Oui, non, mais comparaison boiteuse. Parce que certains médias parlent d'un risque de contrat de 6 ans Gallagher. Il y a où le risque là-dedans? C'est qui ce monde-là? Ça n'a aucun risque, man. Philippe Quentin. C'est un gars. Le nom que je cherchais, c'est Philippe Quentin. C'est un gars. Le gars qui fait rien que parler des coups à la tête. Hey, okay. Non, ça c'est Mathias Brunet. Ben, parce qu'on peut être tabarnak. Call out Mathias Brunet. Quentin, t'es plate en sacrament. Tu viens de votre Mathias Brunet, mon esti. Tu dis un autre commentaire de mange là. Mon pain. Je te le colisse dans le cul, mon esti. mange mon pain, Mathias Brunet. Ouais, si. Non, c'est ça. Mange un pain de groupe. C'est une question que je lance de même. On va jouer à tous. Le pain. C'est quoi le pain à l'école là, que t'en avais quand on était jeune? Pain partagé. Pain partagé. pour l'église. Le pain partagé. Mange mon pain partagé. On vendait du pain. Bon, Jeff, il sait pas parce que lui est allé à l'école baptiste. Non, si, j'allais au public avec JF. C'est ça pour les. Mais au public, c'est au secondaire qu'on fait. Nous autres, c'était les berlingots de lait puis nettoyer les brosses de tableau dans un petit aspirateur rural. Non, ça, c'était au secondaire. Tu vendais du pain partagé. C'était pour l'église. Ah oui. Pour la pastorale. Oui, oui, oui. Non, le pain. Non, le pain est fait avec l'eau. On est donc un peu de sucre. Non, non, non, je refuse. Ouais, non, c'est vrai, il y a raison. Non, non, non, je refuse. On était au privé, nous autres, on s'en calisse. Mais puis allez voir, on s'en calisse du pain partagé. Non, mais parce qu'à ce moment, on va pouvoir dire ça, mange mon pain partagé. OK, arrêtez de parler de mon nom en même temps. Là, tu as dit que c'est l'expression, c'est « mange mon pain ». Partagé. L'expression de J. D'Alex. Alex. Hé, hey, on se ressemble tellement, c'est le même nez. C'est vrai, hein? Ouais, c'est alors, vrai. Un nez frotteur de clit. Hey, révèle pas mes trucs au public, toi, là. Alors, sur ça, on va aller faire une deuxième entrée qu'on fait pour la troisième période. On est de retour pour la troisième période. T'es ça, c'est petite chaffe, là. C'est ça, c'est gros de même. Hey, c'est je vais commencer la troisième en faisant un décalote à Chantal. Ouais, là. Tu veux t'excuser? Ben non, mais je l'aime bien, Chantal. Je suis sûr qu'elle n'a pas sucé tant que ça. Alors, sur ça, on va faire le tour. Je suis pas plus à l'aise. Mark, tu viens de faire un call de Black Cox. Je l'aime là. Bien, Chantal. Ouais, merci. J'ai jamais dit que Chantal se faisait des Black Cox au moins. Là, alors, sur ça, tu viens justement de le dire. Sur ça, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. C'est Chantal. Aucune discipline présentement. T'es fait un peu. Ça n'a pas de crise bon, de bon Mark, sens. Il lève son micro, esti. Ça y est, Mark, j'ai enlevé le micro. Tiens-les comme un non, noir. Non, non, non, yes. Je mets à off ton micro, Mark. Je sais pas. Ah, ouais, si, ouais, ouais. Ouais. Mark fait son frais, met son micro à off, alors voilà. OK, Around the NHL. Alors, j'ai une page pleine de nouvelles Around the NHL. On va faire ça vite pour pas trop prolonger tout ça. Pascal Dupuis sera absent pour une période de 6 mois en raison d'un caillot de sang dans ses poumons. On s'en calisse. Non. Ouais, ben... Hey, Pascal Dupuis, là. Chris, ouais, mon effet ne marche pas. Oui. Qui mange bon. La colisse de merde, de chier. Voilà. Qui a le chier, qui mange la merde, qui mange la merde, qui a le chier. Non, Pascal, pas Pascal. Ça peut finir sa carrière. Là, je considère envoyer le iPad à la retraite. Là, c'est épouvantable. Là, toutes les merdes qu'il fait, cet iPad. Ouais, on va accepter les dons. Faire tes updates. On devrait plugger celle-là, il a l'air mieux. Je peux pas, le sien, il est mieux que le mien. J'ai un iPad 1, moi, là, présentement. Là. Alors, y a-tu, t'sais, on est calé, mais on est classé explicite. Ouais. Y a-tu le tag call-out, genre... Je pense que iTunes, on sont en train de développer ça juste pour nous, le tag call-out. C'est dégueulasse. Je pense que iTunes sont en train de grouillez-vous, aussi. Bon, dans les trois semaines... Call-out, non, iTunes, toi, ouais. Il y a Brian Burke qui a envoyé chier les journalistes, en fait. Là. Il a dit « Mes joueurs n'ont pas à répondre à un tas de vomissures de même. » Ouais. Ouais, ben, il a callé... Ah. Brian Burke a traité les journalistes de gang de vomissures. Ouais, mais en même temps, il y a... Il n'y a pas tort, là. Il n'y a pas tort. C'est juste que tu ne peux pas dire ça. Ben, il a traité dans le marché canadien. You can do that. Tu peux pas dire ça. Puis en même temps, qu'est-ce que c'est vraiment? Ouais. Attache ta cravate, Esti. Ouais, mais c'est d'un marché, Esti, que les journalistes puis les fans, c'est le pain puis le beurre, Esti. Pain puis le beurre. Brian Burke, lui, là, c'est parce qu'il y a encore une dame, mais lui, c'est quoi les journalistes? Burke, là, tu regardes la face, il a dit en mangeant un tabarnak du beurre. Non, mais. Des pains aussi. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que lui, il a jamais géré la shot, Esti, que les journalistes ont sorti que son gars était gay, man. C'est pas ça. C'est lui qui mangeait du pain! Non, mais je pense c'est quoi à dire? Ouais, ben, c'est parce que Jeff, il parle souvent du linge du monde, tu sais, qu'ils ont un gros cul, puis qu'il y a un les pantalons à Théodore. Mais qu'est-ce qu'il était à veille de faire des contraventions de style, là? On s'entend, le genre Héroldi sort de ce corps. Hein. Hey, c'est vrai, tabarnak. Fait que là, tu calls out du JF directement dans le fond. Excuse-moi, c'est quoi une contravention de style? Là? J'en ai aucune idée. Jean Héroldi, il se promène dans les centres d'achat. Jean Héroldi, le style. T'écoutes ça, toi. Ça, c'est le cocu, ça. C'est le style. Ben, ouais, pas, le cocu qui rénove son gelé et qui se divorce après, là. C'est ça que ça fait une blonde. Il s'en va dans les centres d'achat, puis Il y a du monde qui sont mal habillés et qui donnent des contraventions de style parce qu'ils sont mal habillés. Ah, mais toi, t'as pas de coller. Ta cravate, tes pantalons sont LED. T'es une crise de bossale. OK, OK. OK, mais t'as un peu, ça passe à quel poste, vague, ça? On s'en fout, on parle de Canal Vie. Canal Vie, calice. On peut-tu changer de sujet, là, s'il vous plaît? On ne parle pas de Canal Vie, ça. Voilà. OK, alors, interdiction de parler de Jean Héroldi sur ce show. Et de Canal Vie, calice. C'est quoi, là? On parlera pas d'opération à œil ouvert, là, pis d'affaires de Canal Vie. À œil ouvert! On est ces fameuses opérations à œil ouvert. On parlait de Brian Burke. On est rendu à 16 ans et enceinte, là. Non, pas ça, c'est Musique Plus, là. La dernière fois, j'ai checké Canal Vie, genre, il y avait comme une opération live. On n'a pas plus le droit de parler de Musique Plus. Ils ont cancellé Monsieur Net. Ben, fuck you, Musique Plus. Ouais, ben, Chris, Talbot, il finit, man. Il est comme Markov. Mais quelle insulte, mais quelle insulte. Je suis comme en semi-conflit d'intérêt en ce moment, là. Ok, on passe au prochain sujet. Y a-t-il quelqu'un qui veut le color? Non. Le color des frères Rainville, c'est surtout le gars qui fourre Vanhouse. Là. Là, il a faux but, je pense, il faisait trop de coke, là, lui. Fait que... Ah, c'est ça qui se passe. Tes narines sont trop larges. C'est les frères Rémillard, mais en même temps. Pas Rainville. Rémillard. Rémillard. Ouais, mais en même temps, Jeff, on peut-tu le blâmer? De la bonne poudre. La belle bébé zone. C'est quoi, là? Faut-tu que je colore Denis Talbot présentement, là? Ben non, quand les parle. Ben peut-être, là. Ouais, Denis, t'es invité à sa soirée du podcast. Tu veux parler des jeux de hockey? Voilà, check. Je reste pas lui. Ok, il bon, ben. À ça, lui? Il viendra jamais. Non, c'est pas lui qui fait ses critiques, là. Il fait bien trop d'arthrite. Il est pas loin de ça, il reste à Longueuil. Il Denis, passe ça au chanteur des Cowboys fringants. Ça sent bien et tout. Il avait une face de gars qui reste à Longueuil. Qu'est-ce que tu parlais de hockey? Ouais. Prochain sujet. T'as Oli Mata qui est revenu au jeu après s'être fait enlever une tumeur cancéreuse. Ouais, ben bon, j'adore ce joueur-là, moi. Je suis bien content pour lui. Ils vont donner le trophée, là, style le Masters. Masterton. Le Lady Bing. Ah, le trophée du gars qui a bien persévéré. Là. Ouais. Masterson. Il pourrait y donner le Lady Bing aussi tant qu'à ça. Si Pascal revient, Pascal Dupuis, ça va être à lui, c'est sûr. Non, mais moi, j'aime bien Oli Mata, pour vrai. Je peux pas rien dire. Vous, l'avais-tu gagné quand il est venu de son cancer? Ouais, il a gagné. Ouais, sûrement. Paturity l'a gagné quand il fait que ben Oli Mata, il faisait enlever juste une tumeur puis il savait pas qu'elle était cancéreuse finalement. T'es cancéreuse puis il est revenu, alors voilà. Good for you. Good job. Yes, yes. Tabarnak, man. C'était même pas dans le micro, ça. C'était pas dans le micro puis c'était même pas subtil un minimum, là. C'est laisse aller. On se laisse aller. Troisième période, on rate tout partout. Let's go, les gars. Pis ça sent comme s'il avait farté, man. En plus. Ça sent le cocon. Ok, bon. Ça sent Brian Allen. Finalement. Finalement, Pat Burns est intronisé au temple de la renommée. Yeah! Enfin. Pour conclure le cas de Pat Burns, j'ai deux extraits audio que j'aimerais qu'on écoute. Ben oui. Premièrement, Pat Burns nous parle d'une blessure d'un de ses joueurs. Les termes exacts, je ne sais pas. Je sais que c'est, ça a à faire avec un muscle en dedans de ça, de la laine, comment ils appellent ça, une laine de quelque sorte. Là. De demander au médecin, là, moi, laine de quelque sorte. Les termes de docteur, je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça, ben, je ne sais jamais répondre. Ça, je sais que c'est médical, ça fait mal. Ça fait mal. C'est des une laine de quelque sorte, là. Je sais pas trop. La laine de quelque sorte. J'ai un autre extrait de Pat Burns. La laine de mouton, esti. Pat Burns qui nous parle de Shane Corson qui se bat dans les bars. Ça, là, c'est incroyable. Écoutez ça. Lui, s'il prend ça comme une reine de boxe, fait que. Ça rentre, là. Moi, il parlerait de demander ses versions. Moi, je le protège pas rien. Si c'est si pire que ça, là, je demande aux hôteliers de le barrer, qu'ils ne laissent pas rentrer. C'est tout. Ça va finir la chaudrette là. Je t'en ai. Un bon français là, qui mange la merde. De même, correct, qui mange la merde. C'est bien correct, ça. Si, j'aime ça qu'elle dit ça. Qui mange la merde. En passant, Subban vient de shooter, puis il a shooté, puis il a scoré. Ouais. Ah ouais? Way to go! Finalement, tu fais ta job. Anyway. Fait que, ben, Pat Burns, qui avait pas la langue dans sa poche. Fait que Shane Corson, qui mange la marde. Ah, ben lui, c'est Nestie. En bon français, qui mange la marde. Mais il a bien fait de dire ça. C'est écoeur, hein. Tellement. Il parlait de Shane Corson. Ouais. C'est Paris. C'est un dégueulasse. Y a-tu rencontré quelques-uns de ces femmes-là? C'est comme Sheldon Surrey qui avait de la pèse. Quoi? Ouais, Sheldon Surrey, là, sa blessure au poignet, là. Ouais, c'est de l'arpèze. Il se crossait trop, là. Il se crossait. Il y avait l'arpèze en destin. Ouais, il se crossait pis il s'est cogné ça. C'était une tendinite, sorry. Yo, on le call pas, on le cock out, Il y avait un osti de lancer frappé. Et lui, là, par exemple, hey, lui, il a battu le record, je pense, de nombre de buts d'une saison. Hey, c'était dégueulasse. Il s'est fait opérer. Il a pas battu un record, mais il s'est rendu comme proche. Il s'est fait opérer au poignet. Il était revenu de ça. Hey, mon gars, c'était tout le temps dans l'hosti top corner. Hey, les missiles. Non, mais c'était malade. Là. Il faisait des slap shots de fou, ce gars-là. Hey, c'est fou, mais il a fait une saison de quasiment 30 buts, je pense. Pas loin de ça. Défenseur, 30 buts. Il était pas loin de 30 buts, man. Ça avait même pas d'allure. Là. Il avait 20 quelques buts. Je pense que c'est beaucoup moins. Le seul gars à Montréal qui avait une shot aussi raide que lui, là. Le quoi? Le meilleur move de Réjean Houle. C'était pas Réjean Houle, l'hosti. Ouais, c'est Réjean Houle qui l'a eu. Tabarnak. Il a échangé contre Malahov. Hein? Malade. Moi, ça, il parlait de Malahov, là. Ouais, non, mais ça, c'est plus tard que ça. Non, c'est drôle. C'était sous l'air Boivin, là. Non. T'es sûr de ça? Sûr et certain. Qui, là? De qui on parle? On parle de Souris. Mais là, on parle de Houle, de Souris et de Boivin. 26 buts. Souris, c'est le meilleur move de Pinot. 26 fucking buts. Pour Sheldon Surrey en 80. Le poignet bionique. En 2006-2007, man. Ouais, c'est vrai. L'arpèze contre 64 points, man. 64 points. Il en a fait 23 avec les Oilers et tout, 2 ans. 64 points, 26 buts, 38 passes. On l'a échangé immédiatement après. Je m'excuse, là, mais. Non, il a signé à 23 en 2008. Ça, là, 26 buts par un défenseur, tu verras pas ça souvent. Non. Le seul gars qui avait un slap shot aussi raide que lui, là, c'était Marc-André Bergeron. Là. Oh, là, ouais. Non, mais attends un peu. Mais Marc-André le one-trick pony. Lui, ce one-trick pony va faire fuck all à la def. Comme Malotra, il peut gagner des mises en jeu. Oh, exactement. Ah, Marc-André Bergeron, lui, c'était tiré de la bleue. Et si bon, Souris en défense, il était pas. Ben, il était pas le gros chiard. Là. Il était bon pour plaquer, puis genre ben, poussé. Il était pas. Anyway. Allons au prochain sujet. Anyway, un truc qui m'a été pointé par Nicolas Lachapelle de Rétro Nouveau. Dave, on en a regardé ça cette semaine sur les internets. Les Sabres des années 70 ont drafté un Japonais qui n'existe pas. Ouais. Ça, ben, saviez-vous ça? Oui, oui. Ils sont sur la peau de solide. Ils ont drafté un gars qui s'appelle Taro Tsujimoto, qui est un gars qui n'existe juste pas. Ouais, il n'a jamais joué. OK, mais c'est qui, lui? L'entraîné, pourquoi? C'est quoi le non, mais c'est un faux nom. C'est un faux nom. C'était dans les drafts, puis dans ce temps-là, ça se faisait par téléphone. Puis eux autres, ils ont dit « Bon, on est correct, on va niaiser un peu, on va drafter un gars qui n'existe pas. » Fait que depuis ce temps-là... Wow. Fait qu'ils ont comme drafté un hostie de poney, eux autres. Là. Ils ont drafté un joueur qui n'existe juste pas. Ils ont drafté C'est une joke. Je pense que c'est un entraîneur qui faisait du recrutement au Japon. Qui a sorti ce nom-là, puis il a jamais existé. Fait que si. Va chier, mange la merde. Non, mais si à Buffalo, vous entendez le chant We want Taro, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils ont drafté un gars qui n'existait pas, puis ils ont oui, mais c'est qui l'hostie de DG là, qui était j'ai là, pas les là, nouvelles, à ce moment-là dans la vie? C'est Gilles Jambon qui a pigé Taro. Non, c'est qui le dirigeant de la ligue qui a laissé ça passer? Là. Ouais, mais, oh, mais dans ce temps-là, même, il était tout sur la brosse. Ben, il fait toutes des petites bières pas de coups, genre. Des petites bières qu'on dit, ça a l'air des bouteilles en de sirop. Temps, le défenseur avec le plus de buts, c'est Guy Lapointe. Le chandail a tiré 28, man, 26. Ben, ça, je l'avais pas, mais Guy Lapointe, on a tiré son chandail. Ah, le Big Tree, man. Guy Lapointe du Big Tree. Pointu. Le plus de points, c'est sûr, c'est M. Robinson. Fait qu'anyway, allez checker ça, Taro pour les Sables. Ben, j'irais pas checker ça. Il existe pas, man. C'est vraiment weird, ça. Ben, le choix a été comme annulé après ça par la Ligue, mais depuis ce temps-là, ils ont fait une carte de ce joueur-là. Wow! Les fans chantent Taro tout le temps à Buffalo. Mais ça va une carte. Hey, c'est qui l'a tué? La carte, c'est leur point d'interrogation. Rick Jenner, c'est genre la photo d'un joueur par rapport japonais. Là. Avec des fausses stats, puis comme on a traîné un gars, mais il existe juste pas. Il joue pas. Hey, les Japonais là, dans le sport, là, c'est au baseball, puis this is not fucking baseball. J'ai ça ici, Mardrip pour toi. Ah, mais il avait vu. This is not fucking baseball! Avez-vous le vidéo du jeune? Il y en a un qui est bon au basket. Avez-vous le vidéo du jeune japonais, justement, là, qui fait des hosties de buts de malade dans la tête? Ouais, là. Mais c'est un kid, là. Ah, il y a genre. Là, il brûle la ligue, là. Ah, mais hey, man, il y a des mains en Christ, le jeune. Il y a plus de mains. Il y a plus de mains que René. C'est un mini Gallagher. J'ai juste quelque chose à vous dire. Pour ce kid-là, pour vrai, il y a leucémie. Bon, ça y est, on est rendu là. Fuck it. Ok. Fuck bon, it. Passons à autre chose. Qui crève. Ah non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça va pas super. Tabarnak, ça va tout être trop deep, hostie. Là, c'est une petite choke de leucémie, tranquille, paisible. Puis là, ça finit par. Tout le monde a arrêté de parler. Quoi. Oh, merde. Mais non, c'est pas vrai. C'est Dave, si, il peut pas se condamner de la tête. Il voit le shaft au complet. Let's go. Trop deep. Let's call, Dave. Voilà. Hein? Possible. Ça va pas très bien chez les Flyers présentement. C'est pas style. Puis il y a eu une défaite des Flyers 2-0 pour des Rangers récemment. Puis on une a... défaite crève-cœur. J'ai lu de quoi sur Twitter. Ça a l'air que les journalistes et les fans entendaient Ron Extall gueuler de la chambre des joueurs. Il a gueulé « That's fucking embarrassing, Jesus fucking Christ » puis il a claqué à la porte. Ouh. Ouais, mais c'est Ron Extall qui doesn't fuck around. Plus de Ron Extall. Ben, Patrick Roy en devenir. Ouais. Prochain ben, step, ouais, il descend en bas, il fait un joueur avec le bâton, man. C'est pas compliqué. Dans Ron la face. On sait jamais qu'est-ce qui va arriver Ron avec lui. Ron Extall, man. Non, hey, mais sérieusement, on s'entend-tu que Ron s'est calmé avec les années? Ben ouais, mais il s'est calmé avec les années, mais il y a tout le temps sa petite fougue intérieure. Ben, c'est sûr, là. Ben, anyway, je vais juste mentionner ça. Ça, c'est des vieilles cultures de hockey. Lui, il doit en claquer des portes, style. Prochain sujet. Check à Boston, là, Cam Neely, là. C'est pas les plus souriants, là. Non, mais ben non, il, qu'on est... il est laid en esti. Dis qu'il voulait coller sur Julien. Femme ta gueule, c'est basse. Mais il voulait mais il voulait coller sur Julien Dion. Il a tellement... Ben, je vais le coller, ça. Il l'a signé, finalement. Il l'a signé, puis il fait juste perdre depuis ce temps-là. Julien, c'est un one-trick pony, man. C'est gueulé après RF, sa spécialité. Et voilà! Oui, mais c'est le pire dans la ligue, je pense. Chien sale dégueulasse. Il fait juste chialer tout le temps. Non, mais attends. C'est un gars jaillit, man. J'ai pas gagné de game, j'ai pas gagné de game. À défense de lui, je vais dire que c'est un des coachs québécois, par exemple, qui ressort dans la Ligue c'est nationale. C'est un franco-ontarien. Il vient d'Ontario, mon Dieu. Qui mange la merde? Qui mange la merde? Ok, un francophone, ok. Qui mange la colisse de merde, c'est... Qui a le chip qui mange la merde? Damn right! Qui a le chip? Hey, j'ai le pou. Non, mais le pire, c'est que Julien, là... Je l'ai vu... Tu sais, je pensais que... On le voit tout le temps contre le Canadien, mais j'ai pas eu une game l'autre fois, si ça devait être à TVA Sport. Il joue juste là-bas, si, là. Mais il chialait, man. Il chialait après lui. Ah, il chialait. Il fait juste chialer après lui. Ok, anyway, là, c'est un des gars qui perce, puis qui up, marche, next. Puis qui parle français, puis c'est next. Correct, puis gars, whatever. Si je le défends, je suis puis il faut que tu viennes pour le Prochain sujet. Jack Johnson des Blue Jackets a déclaré faillite après avoir fait 20 millions de dollars. Il a été arnaqué par ses parents, ce gars-là. Ça, ouais, c'est triste. Un chanteur. Ça, c'est comme être abusé par ses parents, man. Ses parents ont fait des achats de voitures, des voyages à gros frais, des emprunts à intérêts élevés, puis il a été endetté de 10 millions de dollars avant. Ferrari, man. Ah, dégueulasse, man. Il s'est acheté une Ferrari. Il achète des maisons par rapport. Quand tu te fais arnaquer par tes parents, là, tu dois passer un mauvais Noël. Il a lâché son agent en disant, genre, je vais me faire gérer par mes parents. Ben, je vais me gérer mon mari. Ses parents l'ont flobé. Ses parents l'ont vidé, man. Puis son argent. Il a doué genre 12 millions. C'est sûr qu'il a dit que c'est de la merde. Puis là, je pense qu'il va retourner avec son agent. Fait que ce qu'on peut retenir de cette histoire-là, faites jamais confiance à vos parents, les jeunes. En tout cas, pas quand vous jouez dans la Ligue nationale. Mais c'est chiant, n'est-ce pas? Moi, si mon enfant joue dans la Ligue nationale, je le vide. C'est chiant, man. C'est comme le rapé, man, quasiment. Ouais. Là, c'est bon, Dave, ça. Pour ton gars qui s'en vient. Là. Ouais, on va le noter, puis on va y rejouer l'audio dans 18 ans. Fais pas confiance à ton père. Prochain sujet, les Kings qui ont eu une amende de 100 000 $ pour avoir fait pratiquer Voinov alors qu'il est suspendu indéfiniment. Ben, what the fuck was he doing there? Qui mange la merde. Ouais. Qui ça? Qui mange la colisse de merde, c'est... Les Kings pis Voinov. Qui mange la merde, qui mange la merde, qui est chier. Voilà. C'était, on parlait de qui? Voinov, les deux Kings. J'ai pas le droit d'être sur un ice rink. T'étais en procès non, pour sérieux, avoir battu ta femme, esti, là, je joue pas. Non, mais c'est pas l'affaire. Non, mais c'est bien qu'ils fassent ça. Mais puis... je trouve ça épais. Mais pourquoi ils ont fait pratiquer, Chris? Il ben, est pas dans les mains. OK, gars, 100 000 $ là, tout le monde met 5 000 dans le team, OK? OK, mais moi, je suis un gars du team, je serais fuck. Ouais, gars. Mais c'est bon pour le team spirit, ça, man. D'avoir un gars qui bat sa femme dans des pratiques, ça ne donne à rien. Non, mais moi, je trouve ça bon qu'ils fassent ça. En fait, je trouve ça bon qu'ils se tiennent là-dedans. La NHL essaie un peu d'imiter la NFL ici. Au moins, ils se tiennent. Puis c'est ça qui est correct. C'est qu'ils se tiennent. Puis ils ont décidé d'engendrer un pas. Mais Chris, il reste dedans, man. Prochain sujet. Dans le pot. Il reste dans le pot. La Ligue nationale. Prochain sujet. Non, mais moi, je pense que Voinov, en tout cas, moi, j'ai des gros doutes sur sa femme. Prochain sujet. Elle parle pas en anglais. On ne sait pas ce qu'elle a à dire. C'est une mangeuse d'hommes. Bon, là, j'ai ça parler de lui, mais. Yaroslav Halak, 11e victoire de suite, a brisé le record de Billy Smith avec les Islanders. The fuck? Excuse Jeff, pourquoi t'as eu ça parler de lui? Parce que j'ai eu ça le débat à Halak Price. Mais y a là, pas on... de débat, tu parles de Halak. Il n'y en a plus de débat. On aurait dû garder ouais. Halak. C'est clair, si Halak est meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe où avec les Islanders présentement? Là? C'est juste pas faire eux autres. Je pense que Carey, c'est le quatrième goaler dans la ligue pour avoir le plus de victoires. Il est 3e ou 4e, je pense. On va laisser Halak rattraper. Non, mais on s'en crie Halak. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Islanders? Pourquoi sont performants de même? Ça arrive à plein d'équipes. C'est une bonne équipe, les Islanders. Il t'attend. Boy Chuck. C'est une bonne équipe. À ce temps, il y a un Boy Chuck. Excuse, man. Ils ont battu d'un point Pittsburgh. Là. Non, mais attends un peu. Oui, je comprends. Ouais, Bruins sont à terre. Je comprends man. Qu'ils ont une bonne série de victoires. Ils ont une bonne séquence, mais c'est une hostie de bonne équipe, Mark. Hein? Wow. J'irai pas jusque-là. Wow, là, c'est une hostie de bonne équipe. OK, peut-être que j'abuse un peu sur le « c'est une hostie de bonne équipe ». Oui, t'abuses. La boisson t'abuses, effectivement. Okay? Mais je veux dire, cette équipe-là a le potentiel de devenir ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ont le potentiel, mais pas c'est une hostie de bonne équipe. Je suis content de voir ça. Puis ben oui, tant mieux pour eux autres. Ouais, mais par rapport aux Islanders, j'ai pas l'audio présentement, mais j'aimerais juste rappeler que dans l'épisode 1, GF a dit que les Islanders feraient pas les séries cette année. Est-ce que tu dis encore la même chose, GF, après 5 épisodes de la soirée du podcast? Il a ralenti avec sa Carlsberg depuis tantôt. Il parle plus bien. C'est pas de la Carlsberg, c'est de la grosse. Je me crinquais. Ben là, premièrement, je pense que ça va finir un moment donné, cette affaire-là. Là. Ben il faut. Mais ça passe J'espère. Sinon, on recommence. Ça passera pas en première ronde. Sinon, on s'en tombe à pièces. Ça passera pas en première ronde, c'est sûr et certain. Halak, là, dès qu'il go, c'est pas pour passer en première ronde, c'est faire une série ou pas faire une série. Ils vont faire une série, les Islanders. Ben, parce que c'est là, je pense que ça prendrait une catastrophe pour qu'ils fassent ces séries. Qui qu'ils font pas dans l'Est? Panthers? Ben, présentement. Quoi? L'Est, Buffalo. Ben, présentement, Panthers, Buffalo. New Jersey, ils font pas. Panthers, Floride, Washington, Ottawa, New Jersey, Philadelphie, Buffalo, Caroline, Columbus, exclus. Présentement. Mais Columbus, il y a peut-être Columbus, total, man. Ouais, mais ils ont tellement de blessés. Ouais, man. C'est ça, ils sont pas chanceux. Malade, là. Mais Columbus, ouais, c'est ça. Columbus va aller chercher McDavid, esti, avec un mec Burger. Mais non, ça va être Edmonton quand c'est là. Hein. Hey, moi, je suis avec McDavid avec un mec double bacon. Hey, faut pas. Là, Buffalo, ils sont en train de gagner. Ils ont gagné un peu, là. Ils ont une bonne séquence. Fais pas ça, là, Buffalo, père. Parce que sinon, ça va être encore Edmonton qui va aller chercher le first. Ah non, hey, je veux. Non, mais là. Honnêtement, là, si McDavid se ramasse à Edmonton, je pleure. McDavid, c'est un forward. Pauvre gars. Qui mais va là, se ramasser d'une équipe qui. Il y a eu une conférence de McTavish aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, la troisième est finie. Je propose qu'on fasse une mini entraque puis qu'on revienne pour une prolongation parce qu'il me reste encore une demi-page de sujet around the NHL. Fait que. Pause, on revient après l'entracte pour la prolongation. Restez connectés. Bon, alors, allons-y pour la prolongation. Comme dirait Alex, allons-y. allons-y pour la prolongation. Donc, on va finir mes sujets. Ron Jeff, ben, Jeff, il est prêt. J'ai le call finger d'un Jeff fait son call finger d'un bras. Ouais, man, s'il est prêt, man. Ready alors, for war. 1000 points pour Martin Saint-Louis dans la NHL. Bravo, Martin Saint-Louis. C'est beau, Ticu. C'est bon, il a jamais été repêché, man. Ouais. J'aime pas tes cravates. Jamais, non. J'aime pas tes cravates. Non, puis Martin Saint-Louis, pour être honnête, là, va chier. Mais pourquoi? Parce qu'il parle toujours en mal du Canadien Montréal. Ah, mais il a le droit, il joue pas pour le Canadien. Il essaye pour mourir parce que dans sa famille, là, ils l'ont avoué, Martin viendrait jamais jouer à Montréal. Ben, reste au States. On veut pas non plus. Va donc jouer en Floride. Parce qu'il y a personne qui va leur trouver Bobby Lou. Non, mais il faut être tout cul en crise de brailler à Eisenman. Tu peux pas éviter aux Jeux Olympiques. Va chier, Calis. Hey, premièrement, là, qui est meilleur présentement à l'heure actuelle? Callahan. Il s'est trouvé Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, cette année, il est meilleur que Callahan. Ah, mais t'es malade, malade, man. Aussi, fallait qu'il le mette, man, aussi, des JO. Hein? De quoi tu parles? Les Jeux Olympiques. Okay, attends, c'est ça que Malette il dit. Man. T'es allé des Non, des ben, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être soupauler en crise pour dire à Eisenman, échange-moi, tu vas pas inviter Calis. Ben, il y avait plus le choix. Il y avait plus le choix, man. Le divorce était fait. Là. C'est comme si t'étais avec une fille, genre, pis elle te suce jamais, pis tu dis comme, ben là. Oh my god. Écoute, Alex, c'est la prorogation ici. Ouais. Tu peux arriver. Continue. Prochain. Prochain sujet. Félicitations, Martin. 1000 points. Moi, j'écoutais Mike. Il n'a pas fini son idée. Moi, j'étais encore sur mon appétit. Ouais, fait que c'est le oui, cheers pour tes 1000 points. Non, mais attends. Mike, t'étais parti sur une bonne idée. Moi, je voulais. C'est comme Martin Saint-Louis, Calis, t'as le feu dans les yeux, puis tu fais comme. C'est ça. Non, pas un feu dans les yeux. T'es en beau tabarnak, puis là, si t'es comme pouce. Rassasié, genre, pis t'es dit, t'es bien gorgé de ça. Tu mérites bien ça, me semble. Des petites gorgées sur. Pis là, t'es vraiment comme, tu sais, tu files vraiment comme, tu sais. Pis les seuls. T'es shafté, là. Les seules fois qu'elle t'en donne un jeu, c'est avec les dents. Pis là, t'as bien beau mettre, genre, du Barry White. Aucune idée de quoi qu'il parle. Non, plus, man. J'ai manqué un bout. Ah, y'a personne qui sait. Ok, alors, prochain sujet. Non, déconne, sérieusement. Spezza qui signe un contrat de 4 ans avec les Stars à 7,5 millions par année. Spezza! 7,5 millions par année pour Spezza. 7,5, c'était un petit peu trop, mais par contre, Séguin, Spezza, 200 à comparer à Derrick Félix Séguin. Canek, il est signé à non, pas Félix Séguin. J'ai dit ça, Félix Séguin. Mais... Non, j'ai il est signé à combien? Félix Séguin. T'as Séguin puis Spezza, hein? Les deux premiers centres. 7,5 millions par année, Spezza. C'est de l'argent à qui? Si on parle du gars qui est chez Bowen. Ouais, du stock là. Mais non, mais la Ligue nationale sont complètement débiles. Spezza, ça Astor, peut, sérieusement, là, c'est fou, complètement débile. OK, next sujet. Bon, avez-vous un commentaire sur Brodeur qui a dit que les Blues t'étais chier, t'es gros. Fatso. Tes pattes sont lettres. Fatso, as-tu qu'on a un game là? Ouais, il a perdu, c'était une sortie assez épouvantable pour Brodeur. Combien qu'il a perdu? Ouais, mais là, 4 à 3, puis il perdait 3-1 après 4 buts en 26 shots. Ah, mais sacrément, le gars, là, il s'est traîné tout seul, là, il est pas piqué à Boudaille, là. C'est sa première game de l'année. Boudaille, il joue pas en ce moment, là. Il est blessé dans la Ligue américaine. Non, mais Brodeur, il faut qu'il réalise qu'il prenne sa retraite. Non, non, mais gars, il y a une équipe qui l'a signé. Non, mais c'est son dernier contrat. Ouais, c'est pas un bon move de la part de Saint-Louis parce que Jake Allen a tout un potentiel, puis Brodeur, il est en fin de carrière. Mais Jake Allen, il est perdu 4-1 là, il reste Canadien, un bout de papier, non, puis tu sais dessus, puis c'est le brun qui reste. Ouais, non, mais Brodeur, c'est le brun. Non, mais c'est pas ça. Brodeur, là, il bloque. C'est le spirit que t'amènes, genre d'un gars qui a l'expérience. Ok, pour passer à l'équipe, le gars, il y a le jeune Allen, que ce serait sa première année comme goaler numéro 1. T'es montréalais, ça. Hein? T'emmènes... Ouais, ben, il a joué pour le junior de Montréal. Okay. Pas montréalais, mais... Après ça, t'emmènes Brodeur pour le supporter. Dans le fond, oui, Allen va donner le premier goaler des Blues, mais là, il a besoin de quelqu'un, là pour vous remplacer Elias. Moi, je trouve ça triste. Kenneth Brodeur, Scott, là, il va se servir de Brodeur. Ça peut pas être mauvais, là. Il va t'emmener des victoires. D'un playoff, je te garantis, Hitchcock va mettre Brodeur. Je suis sûr et certain. Hitchcock, là... Ça dépend comment il go. Ouais, mais ça pourrait être payant. Le pire, c'est que d'un playoff, ça pourrait être payant. Ça pourrait être payant. Brodeur, c'est pas fini non plus. Ouais, ça, ouais, ouais, ben, c'est payant dans la chambre, c'est payant pour ton goaler. Il joue dans l'Ouest. Ton jeune goaler. Ouais, ouais, mais là, Brodeur, est-ce que Brodeur est allé pour, Brodeur, est-ce qu'il est allé pour le cash, Brodeur? Non. Non? Comment? Pas allé pour le cash. Non, mais au lieu de prendre sa retraite, il n'aurait pas dû prendre sa retraite directement. Mais non, il est pas allé pour le cash, il fait 700 000 plus. OK, il y a un bonus de 10 000 par point gagné. OK, mais t'as peu. Fait qu'il n'y a pas eu 10 000 hier. Non, On s'entend pas besoin de cash. OK, on s'entend que Brodeur, il fait pas ça pour le cash, OK? Il fait ça pour la passion du sport, puis il veut apporter de quoi, genre... Brodeur est présentement désillusionné. Prends ta retraite, Fatso. Moi, je pense qu'il apporte de quoi. J'espère que ton père va prendre une photo. C'est comme Belfort à la fin de sa carrière. Cheap shot, si il est mort, son père, Brodeur. That's non, mais ça part à pas. Voyez pas ça de la bonne façon. Voyez pas ça de la bonne façon. Denis, là, c'était tout un fait. T'as pas le droit de coller du monde mort, Jeff. Il vendait des photos. Voyez pas ça de la bonne façon. Hey, c'est n'importe quoi. OK, prochain sujet. Je suis plus capable. Là. OK, question d'être vraiment exaspéré. Vanek devait plus de 10 millions de dollars en paris illégaux. On sent un calice de Vanek. Non, mais on disait tantôt, là, faut-tu être poche gambler pour devoir 10 millions? Ouais, c'est ça. Asti, arrête, tu vois bien que t'es pourri. On s'est demandé... Ah, mais il bet quoi, calice? Non, mais il bet quoi? Il bet contre les Canadiens. Il bet contre les Islanders. Non, il bet pas au hockey. Il bête ses courses de chevaux. De sport, les courses quoi, de chevaux. Man? Ah, si, il bête, man. Il bête sur Kardashian. Il bête Batman. Si, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, man? Il était pâle. Ouais, man, pour perdre 10 millions, vraiment, you suck. Just stop. Tu peux pas bêter contre des Kardashians? C'est quoi? Combien de graines Kim va sucer dans la prochaine année? Combien de divorces qu'elle va avoir dans les prochaines 5 ans? Là? Je sais pas. Ben non, mais là, elle est avec l'autre, là. Elle est mariée avec l'autre, là. Elle est avec Boucardio. Allez, ouais. Hey, avez-vous, c'est qui Keeping up with the Kardashian and Bougardiouf. Hey, le nest cul, hein, la table est pas assez large pour son dernier. Ah, le cul. Ah, et ça, on pourra en parler une autre fois. Le cul huilé. Faudrait checker. Tu vois la color avec son nest cul. Faudrait se faire une jazzette sur le cul de Kardashian. Pour huiler le cul, là, Kanye West l'a tweeté. Ils ont demandé combien de temps ça a pris. Il a dit, anyway, regarde. All day. On prendra pas de temps sur Kardashian. Ouais. Elle est famous parce qu'elle a fait un sextape avec un gars. Fuck off. Et puis parce qu'elle est mariée avec Boucardieu. Ouais, Chris de vieux rapper. Next. George Parros prend sa retraite après 9 saisons dans la NHL. Moi, je l'avais dit, quand Parros arrivait avec Montréal, ça va être un nasty de flop. Moi, Parros, je le mettrais au temple de la renommée de la moustache, au moins. Là. Ouais. Au moins. Au moins. Christian Pittsburgh, c'est ça. Là, c'est ouais, il y a une ligue de vêtements aussi, Parros. Gentleman, je sais pas quoi. Là. Violent Gentleman. Killer.com. Violent. Ben, ce qui me fait chier dans l'affaire de Parros, c'est que Larac avait raison depuis le début. Quoi? Larac. Ben oui, ben oui. T'as pas le droit de dire ça ici. Je te l'ai dit, man. Que Larac avait raison, t'as pas le droit de dire ça. Je te l'ai dit, il était même pas là. Non, il était pas là. Je te l'ai dit, man. Non, mais gars, hey Dave, c'est parce que moi, c'est encore bien pire. J'avais vu comme la genèse, man. Ok. Je le voyais ici, ma lettre. Bon, ben, ciao, Parros. T'as eu un beau deux matchs à Montréal, puis tu t'es cassé la gueule sur la glace. Oh, belle commotion. Solide. Solide, man. Il s'est slogué dessus. Hey, lui. Oh, il s'est. Il a brassé la glace, mon gars. De solidement, là. C'est ça, puis les fans de Toronto, vous, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, hey, on fait le paro, c'est se coucher à la terre. Oh, ouais. Ça, c'était grave. Ah, oh, mais Toronto. That's so last year, c'est tout ce qu'ils ont à faire, Toronto. Ouais, mais, hey, t'as peu. T'as-tu vu aussi la photo des fans de Winnipeg qui font des push-ups, genre avec un vieux Bill. Ah, je pensais pas que ça s'en était jusqu'à là. Une pièce, il y a un gars. Un à côté de l'autre, sont deux gars. Côté Vander King. Il y en a un qui a genre un card avec un bill de une pièce. Tu sais, genre de. Une pièce canadienne. En papier, puis l'autre, ouais, a un deux pièces. Puis là, ils font comme des push-ups. Ouais, ben c'est ça, ça vient de Evander Kane. Puis sa photo sur Instagram de lui qui fait des push-ups avec des piles de cash sur le dos. Jean-Pascal du hockey. Carrément. Excuse-moi, j'ai volé ton. Evander Kane. Evander Kane. Il fait tout le temps sa chute. Bon, Evander Kane, je le prendrai à Montréal. Prochain point. Prochain point. Alex Tanguy, un ancien du Canadien qui se fracture le visage. Encore! Après avoir reçu un slap shot d'Ovechkin dans la face. Mais le visage, c'est quoi? C'est la joue, genre? La face. Il s'est fracturé la face. La face. Au complet. La face. Okay. Ça comprend comme le nez, le front, Il y a une hanche de bois puis une gueule en verre. Le slap shot d'Ovechkin tellement puissant qu'il s'est fracturé la face au complet. Pauvre Tanguy, man. Ben ouais, pauvre Tanguy sorti. Il est fait, man, en bois, ce gars-là. Next, Patrick Sharp, blessé. Calvaire, c'est même plus subtil. Patrick Sharp, blessé au bas du corps à long terme. Ça fait longtemps que c'est plus subtil. Il revient au jeu à soir, non? Il était assez marqué à long terme, selon ce que j'ai eu. Je sais pas s'il est là à soir. Il est pas là à soir. Ben, en tout cas, il est sur le bord d'un retour au jeu. Ben oui, que c'est lui, tabarnak, il vient du carré. Il est pas là. Ben. Fuck, c'est 3-3. Non, c'est pas vrai, Alfredson prend sa retraite. Signé un contrat d'un jour. Il a signé un contrat d'une journée avec les Sénateurs d'Ottawa. It's class, you know. Ce que probablement le Canadien aurait dû faire pour sa coup, juste pour... Ouais, ça aurait été cool. Ben, c'est ça aurait été cool pour la mise au jeu protocolaire, un peu, là. C'est quand la game contre Anaheim? Je sais pas. C'est bien droit bientôt. Pas le 11, le 11 décembre? Ben, tu sais, c'est pas encore réglé. Fait qu'Alfredson, qui a fait sa carrière avec les Sénateurs, a fait une saison avec les Red Wings, puis il s'est rien passé, il allait gagner la Coupe. Ça s'est pas arrivé. Ça aurait été quand même. Ben, je sais pas. Un bel honneur pour sa coup de faire un peu le. Moi, je l'aurais fait pour sa coup, là, honnêtement. Quand il est parti, il est parti, là. Tu vas dire il est passé, il est juste passé. Non. Haters gonna hate. Non, je suis un fan de Saku, mais c'est fini, man. C'est fini. C'est le 18 décembre. Tandis que Alfredson, qu'est-ce qu'il a représenté pour Ottawa, ça a été la figure emblématique. Ben là, Saku pour la même affaire pour Saku. Non, Saku, man, il a été aimé à Montréal. Avec toute l'histoire qu'à Montréal a, Saku, ça n'a pas la même valeur qu'à Montréal. Attends un peu, l'histoire moderne du Canadien. Saku aurait mérité sa journée. Toi, Marc, arrête de vivre dans le passé, là, style. L'histoire moderne du Canadien, c'est Saku, là, style, man. Si Saku Koivu. Attends un peu, Dave. Si Saku Koivu n'avait pas eu son cancer, OK? Saku Koivu, là, il a été critiqué all the way. C'est les six, ça. Tout le temps. Ouais, mais t'as qui d'autre à Montréal? La seule affaire qui a sauvé la carrière de Saku. T'as qui d'autre dans l'histoire moderne à Montréal? C'est la médecine. Excuse, t'as eu Kovalev, man. Non, fuck off, là. Sérieusement. Là, la bière, il fait de la médecine. Kovalev! Je m'excuse, là, mais entre Kovalev et Saku, c'est vraiment Saku qui aurait le mérite d'avoir un hommage. T'as peu. Pas mal plus. T'as peu. Saku Koivu a pas son cancer. a pas... Le, non, mais là, tu dis des si, des affaires qui se sont passées. Le premier capitaine européen, man. Saku Koivu a jamais fait lever la foule comme Kovalev. Ben oui, ben oui. Premier capitaine européen de l'équipe, voté, c'est vraiment hot. Ouais, mais tu parles de faits statistiques. Ah, mais là, tu t'arrêtes juste aux stats, Mark. Pour un gars qui dit que le Centre Bell est populaire pour le sang sur la glace... Saku, elle sait ses cheveux pour le Canadien, esti, là. Non, t'as peu. Saku, en même temps, autant que tu dis ça, ça a été le gars le plus critiqué parce que j'y ai jamais parlé un hostile. Ah, mais ça, c'est de la calisse de marde, là, pour vrai, là. Oui, je suis d'accord, mais c'est qui a fait lever le monde plus de bout, je pense, depuis Saku. Guy Lafleur, pas Saku, Kovalev. Non. Le gros bill, Kovalev, là, il est bandé Kovalev en esti parce que non. Kovalev est mis. Vous savez pas ce que vous voulez dire, mais moi, genre. Kovalev, pour toi, c'est la c'est personne fine. Qui a été le plus exciting. Non. Exciting, c'est la glace. C'est pas ça. Oui, mais c'est pas ça qu'on parle. Quand c'est pas ça le point. Donné. Quand vous, ça a tout été un centre de deuxième trio, pour... man. Mark, c'était pour toi, de premier plan. Ils n'ont jamais été capables de l'entourer, man. Mark, pour toi, à situation égale de retraite, Kovalev mériterait plus un hommage que Koivu, son toi. Je peux juste te dire que Koivu n'a pas l'importance que Alfredson a eu avec les sénateurs d'Ottawa. C'est pas ça le point, c'est Koivu. Est-ce que Koivu aurait mérité... Toi, t'as amené Kovalev là, dans la conversation. On parlait pas d'Alfredson contre Koivu. Non, mais t'as peu... T'as amené Kovalev pour dire qu'il était plus important que moi, Koivu si dans l'ère moderne si du Canadien. Si tu me demandes, le gars qui a vendu le plus de t-shirts ou de jerseys à Montréal, c'est probablement Kovalev. Non, dans les... no, fucking way. Koivu, t'es là bien plus longtemps, man. Je suis certain. Non, j'ai une statistique. Bon, j'ai avec tes stats. Koivu a été capitaine aussi longtemps que Jean Béliveau. Oui. Voilà. Repose en paix. Ok. C'était émotionnel, Koivu, c'était beau, ça. Comment? Qui se repose en paix, Koivu ou non, Béliveau. Koivu est encore vivant. Puis, tu sais, je vous le dis, là, j'ai jamais été un hater de Koivu en plus. J'ai jamais été un hater de Koivu. Sérieusement. J'ai toujours aimé Koivu. Mais, je veux dire, Koivu, il était pas électrisé. Kovalev a été. Non, mais il a jamais été capable. On parle pas de. Kovalev a été ici de quoi 4 ans. On parle pas d'électricité. On parle pas de. Le passage, l'air Koivu, c'est un gros. C'est un moment flop de l'époque des Canadiens. Ouais, parce que toute l'équipe n'était pas bon. C'est le seul. C'était la vedette du Canadien pendant ce temps-là. C'est ça qui a tenu le team pendant toutes ces années. Tandis que Kovalev, quand il était là, il y en avait plein d'autres. Ok, regardez, on va régler ça rapidement. On va juste dire qu'on n'est pas d'accord. Faisons ça rapide. Tour de table. Est-ce que vous auriez signé Koivu pour un contrat d'une journée pour faire ce qu'Alfredson a avec les sénateurs? Oui, ou non? Oui. Alex? Oui. Mart? Oui. Non, évidemment. Non, je dis pas non. Okay. T'as dit oui, c'est ou oui, non. Ou non. C'est... Je veux pas une excuse. C'est plus ça le point, dans le fond. Là. Tu signerais-tu pour une journée? Non. Bon, voilà. Dave? Oui. Toi? Oui. Bon, moi aussi. Fait que 5 contre 1. Fuck you! Qui Mark! Mange la merde? C'est correct. Je respecte vos opinions. Pour revenir à Alfredson, êtes-vous d'accord que Patinick, les gars, en. Ben oui. Ouais, il a fait du training. Honor, c'est correct. Patinick pour le warm-up. On s'en fout. Attends un peu, là. Je pense où tu veux en venir avec ça, GF? Ben, Chris, c'est une game importante. Est-ce que Alfredson... Moi, là, je veux juste habille-toi en cravate puis en veston, non, mais puis peu... ferme ta mais gueule. Moi, je veux juste vous dire une affaire, là. Puis va t'asseoir. Moi, je veux juste dire une affaire, c'est que Ottawa, depuis qu'il n'y a plus Alfredson, c'est plus la même équipe. Ah non, mais ça, je suis d'accord, perdu. Là. Oui. Puis Montréal, depuis qu'on n'a plus Koivu, on est une autre équipe. Ouais, vraiment. Tu compares les débuts des années 2000. Tu peux pas comparer non plus. Tu peux pas comparer un joueur, puis une équipe. Non, on a changé d'identité. Ouais, mais on a changé de DG, on a changé de coach. Tu parles de Zombie Decade. Alex, je suis d'accord. Hey, Mark. Alfredson, depuis qu'il est plus avec Ottawa, ils ont perdu. Ça fait un an, Mark. Il était pas là depuis un an, man. Mark, enlève Alfredson de l'équation, OK? Ouais. L'air, Koivu, là. As-tu marqué l'histoire du Canadien? Il a porté le team pendant 10 ans. Non. Et voilà, non, t'as répondu à ma question. Il a marqué l'histoire du Canadien. Elle l'a marqué d'une façon sentimentale qui est différente de la scoring sheet. OK, tu comprends? Ça, je veux dire. Moi, je parle juste. Bon, Mark, on n'a rien fait. On n'a rien fait avec lui. On n'a rien fait avec Kovalev. On n'a rien fait avec Kovalev non plus. On n'a rien fait avec Kovalev. Parlez-moi, toi, Kovalev. Les sénateurs, ils n'ont rien fait avec Kovalev. Depuis 93 que le Canadien n'a rien fait, dans le fond, si tu prends ça de moi. Mon opinion. Puis les sénateurs n'ont rien fait depuis quand? Je pense qu'on a assez passé de temps sur le sujet d'Alfredson. Allons-y sur un autre sujet. Un ancien du Canadien, Benoît Pouliot, blessé indéfiniment, fraîcheur au pied. Fuck you, Pouliot! Voilà. Je m'enlève les mots de la bouche. 4,5 millions, Pouliot. Le plus gros contrat. Le plus gros contrat de l'année passée qui était le plus dégueulasse. Ben oui. Puis il est blessé, on en a parlé au début de la saison. J'ai dit ça tout croche parce que c'était dégueulasse, comment je viens de le dire, mais c'était, c'était dégueulasse comme contrat. Pouliot, il y a voilà ça de la poudre. Je veux pas parler de lui. Next, Donald Brashear qui joue en Suède en 42 je ans, pas qui est tout le temps sur le cul. Hey, il va briser des Suédois lui-même. Ouais, il va se briser le coccyx si il je pense à... Il a de la misère à se tenir debout, tu checkeras mon retweet. Ah, mais il n'y a pas là, besoin, il n'y a pas besoin de se tenir debout, man. Il va juste se battre, man. Il va casser des dents pareil. Il va juste se faire peur. Oh, mais ça se bat sur ce lit-là? Il a de la misère à être debout. Non, mais lui, il va se battre. Ça se bat avec des faux face. Fosberg, Fosberg, t'es allé chercher genre pour... protégé comme son meilleur centre ou je sais pas quoi. Là, ah, mais il est tout le temps sur le cul, il va se péter le coccyx. C'est Gino Hodgick de la Suède. Ah, mais il l'a pris pour rendre hommage à Ferguson. C'est sûr que Brashear, il est rendu dégueulasse. C'est vrai que c'est on ça. On touche pas Gino. Bon, next, je sais pas pourquoi c'est marqué Simon Gagné sur ma feuille, je sais pas ce qui s'est passé. Ben parce qu'il a fait son... Il a atteint son je sais pas combien... Ah, son 600e point ou... Ben, bravo Simon, man. Bravo, man. Simon. Ça, c'est tout un exploit pour un gars qui est à un clou de son cercueil. Une convention de la retraite. J'aimerais qu'on parle brièvement, parce qu'on a parlé un peu des Oilers d'Edmonton qui sont sur 10 défaites consécutives. Il s'est passé plusieurs choses avec eux autres. Premièrement, les fans des Oilers qui huent les Oilers pendant qu'ils sortent de la glace. Avez-vous vu ça? Ouais. Ben, totalement mérité. Autres, ils marchent dans un corridor puis il y a des fans qui attendent. Pis ouais, les, fucké, ça, les fans les huent. Ça, man, puis les fans envoient leur jeu sur la glace, ça va pas bien Edmonton. Ça, c'est de quoi? Ça, c'est Toronto. Hey, sérieux? Mais il y a des joueurs des Oilers qui ont comme... They gave up, man. Je sais pas, je dirais pas rire de ça. Mais ils ont comme mis ça à la légère. Ben, ça montre peu, ça montre à peu près l'identité fait que le sérieux qu'il y a, qu'il y a pas dans le sérieux. Aujourd'hui, justement, par rapport à ça, il y a eu une conférence de presse de McTavish qui dit que tout va bien, puis il n'y a pas d'échange dans l'air. Il puis... est désillusionné, lui-même, asti, là. Mais McTavish, quand t'es rendu à ce point-là, à faire une conférence de presse de même pour dire que je fire point. Personne, il se passe rien, ça veut dire que c'est comme, c'est lui... Là, c'est juste. Ben, la source, pas, mais là. Il essaie de sauver son. Dude, man, ce gars-là, ça, le président, dit, man, il est con. Il n'y a pas de solution. Non, mais c'est au président de l'équipe de faire quelque chose, là. C'est comme il fait rien. Faut que ça agisse à quelque part. Mais que t'avises, je pense qu'il l'a, man. Faut que ça agisse. Mais non, attends, il n'y a pas eu une conférence qui a été calée par McTavish pour annoncer finalement qu'il y avait. Il n'y avait pas de problème. Oh, aujourd'hui? Ben, c'était une conférence non officielle. Ah, mais il dit qu'il continue là à garder un œil très proche. Dans le fond, non, mais il a pensé s'entend-tu que ça, c'est complètement... Je pense que c'est le temps de non, passer mais... à l'autre étape, mon gars. Ah, c'est le temps de clean house. En gros, go. Là, de ce que j'ai compris, ça commence c'est par lui. Non, non, mais OP, fire the coach, protège sa job. Non. FireMcTavish.com? T'as peur, Alex. Parce que McTavish, qu'est-ce qu'il dit, genre, là, c'est que ça servira fuck all de congédier Danny Higgins. Non, dans c'est lui, il faut que ça congédie. Parce que c'est comme, c'est ça va Tavish, venir au même. Le mais président, il a dit, tu Chris le coach, j'ai c'est toi qui s'en va coacher. Je suis sûr que c'est ça. Non, là, c'est, là t'es rendu, non, c'est Kevin Lowe, man. Puis lui, ça étend pas, man. Fait qu'il a fait comme, OK, fuck non, off. Oh, je vais garder un close look. Je pense que c'est plus haut que ça. Moi, je pense que t'es rendu au stade du propriétaire ben, qui fait comme président. Le président. Non, propriétaire. Propriétaire qui fait comme, Kevin Lowe, c'est le président. Kevin Lowe. Fuck off. Non, tu peux pas crisser le président dehors. Je pense pas que ça fout. Ben, Chris, mais on l'a OK, s'il crisse pas McTavish dehors, s'il crisse pas McTavish puis il fait pas clean out, c'est sûr que Kevin Lowe l'année prochaine est parti. Hey, t'as peur. Mais là, c'est où un moment les propriétaires vont dire je te crisse dehors. Mais faut que Kevin Lowe crisse McTavish dehors. Non. Là, si là, le propriétaire est sérieux puis il écoute ses fans, tout ça, il va colisser tout le monde dehors. Comme ils ont fait à Montréal, tu fais. Maison nette. Le président le propriétaire, il est pas sérieux pour Saint-Saëns. C'est lui qui a broyé pour qu'on repêche, pour qu'il repêche Neil Yakupov. Tu sais, Neil Yakupov, est-ce là, la théorie de pénétrer un russe, est-ce qu'ils l'ont pénétré en envers, tabarnak? Il y a un tout de camp, je fleur à cette heure. Ça part de loin, là. Ça fait 10 ans, est-ce comme les oreilles de Madoc Vachon. En chou-fleur. Ah, mais propriétaire, ça, t'as pas de contrôle là-dessus. Non, c'est ça, mais c'est le proprio, là, qui colle tout ça. Je veux pas qu'on s'attarde sur les Oilers, mais deux trucs Twitter par rapport aux Oilers. Allez voir le compte Twitter Did Oilers Win? C'est juste des no. No. Mais là, ça fait genre 11 games. C'est 11 games de non en ligne. Est-ce que les Oilers ont gagné? Non. 11 games, là. Hey, non, mais c'est parce qu'attends un peu, là. 11 games. On s'entend-tu que l'équipe joue pas chaque jour? Mais le pire, c'est qu'ils passent. Fait que 11 games, c'est long, là. Combien de jours? Ils sont pas loin man? Du 15, là. C'est comme un mois. C'est presque un mois. C'est long man. En Chris, c'est là. C'est long, là. Leur dernière victoire. Je peux comprendre les fans des Oilers de lancer leur jersey, là. 4 novembre, le 4 novembre, Bose. Mais vont-tu battre la pire saison des Nordiques de Québec qui ont juste eu 13 victoires? Tu vas faire pleurer Dave. Tu parles pas contre les Nordiques. Chris. Hey, je vais parler certains contre eux. Tu peux pas battre ce record médiocre. Je m'excuse, les gars. Je m'excuse, là, mais on n'est pas dans du fantasy hockey ici. Là. Les Nordiques, ça n'existe pas présentement. Attends, Régis la bombe, là. Prends ton trou, calice. Les Nordiques, t'en as pas d'équipe. Je te calote, Régis. J'attends les Nordiques. Esti. Ramène ça. Régis, man, il y a une POC des Canadiens de Montréal dans les fondations de ton colisée. Fuck you. Moi, je veux dire une affaire, Régis. T'es auras pas tes hosties Nordiques. Je calote, Régis, avec un doigt du Canadien. Ah non, je l'ai pas dit fuck you, Régis. Je l'ai dit dans le fond. je l'ai dit thank you, Régis. Merci, grâce Régis. Grâce à toi, il y aura pas de club à Québec. Puis dernier truc par rapport aux Oilers. Et voilà, Marc, t'es le traditionnel. Traditionnel pitchage du micro. Dernier truc par rapport aux Oilers, il y a Jay Feaster sur Twitter qui se réjouit de la performance des Oilers présentement. Really? Jay Feaster qui a tweeté hier. Yeah, baby, you can put that in a lost column, Oilers. Entire time I was in Calgary, all I heard was how far ahead they were from Flames. Nice. Manque de professionnalisme. Feaster, lui, c'était-tu l'ancien... L'ancien des Flames. Il s'est fait mettre dehors parce qu'il était cave. Je sais pas. Des Flames ou des Oilers? C'est ça, c'est... Le gars est arrivé, I fired him because he was fucking stupid. Non, mais vraiment, à Calgary, là, il se passe à rien. Pourquoi Deux Media, we fire Jay Feaster. Ah ouais, c'est le. Anyway. C'est... Prochain point, c'est au point. Allons-y rapidement parce que là, ça s'étire. Tout ça vient tard. Vous, cette semaine, il y a un goaler qui a fendu son jackstrap après un slap shot. Hein? Vous rappelez plus qui? Il y a un goaler qui a monté son jackstrap et il a fendu en deux. À l'ac. À l'ac, non, c'est pas à l'ac, malheureusement. Alors, bon, question concours pour les fans de la soirée du podcast. Qui a fendu le jackstrap? Check, voilà. Ça doit être dans le KHL, c'est arrivé, ça. Bon, OK. Non, c'est dans la ligue. Mais anyway, parlant d'affaires ridicules... Ils ont passé de cash en acheter des bons. Les Devils qui ont signé un contrat à Scott Gomez. Ah, nice. Non, là, ça ramène pas Gomez. Hey, mais il est revenu, esti. Ils ont calissé... Hey, il a joué 20 minutes. Ryder. Sur le banc, ouais. Sur le banc pour ramener Gomez. Tabarnak, Gomez, deux là, il y a zéro tir, je pense, ça, dans une saison. Là. C'est ça, les New... Puis Ryder est capable d'accolisser top net. Ouais. Anyway, bon. Tu sois désespéré. OK, ouais. Rapidement, avant de faire les questions du public... Hey, Gomez, man. Il y a encore une question du public. Ouais, ça va être rapide, c'est l'été de barrage. Je quitte le studio. Je quitte le studio immédiatement. Là, Martin, les gars, le sujet. Bon, là, on est rendu à... comment j'appellerais ça? Le laser couleur. Le... La section mortuaire de la soirée du podcast, beaucoup de morts cette semaine. Et là, bon, pour vrai, là, c'est le... Soyons sérieux et solennels. Là, c'est le bout de pas drôle, OK? Bon, ben, on sait tous, on a parlé en début, début de show, il y a Jean Béliveau qui est décédé cette semaine. Il y aura une chapelle ardente pour le gros Bill, le 9 c'est et le 10. C'est quoi une chapelle ardente? Non. C'est le 7 et le 8, by the way, c'est le 7 et le 8 au Centre Bell. À chaque fois que j'entends Chapelle Ardente, je pense tout le temps à Samantha Ardente. Non, non. Moi, je... On a dit qu'on gardait ça classiste, tu. C'est qui ça? Il va être. C'est la prof qui avait perdu sa job. Non, c'est une secrétaire. Who cares? Une commission scolaire. On parle de ça, on parle de Jean Béliveau, c'est pas de Samantha. Jean Béliveau, le gars le plus respecté au travers de la ligue. C'est le 7 puis le 8. Comme un journaliste a dit, d'Atlantique à Atlantique, le plus respecté. Hey, dimanche et lundi. Comme dirait Mario. Je me rappelle plus qui a dit ça, mais calice, là, d'Atlantique à Atlantique, là, c'est pas loin. Là. Non, ça, c'est comme Mario Tremblay qui a dit We are toast to toast. Chris de Bleuet pourri, calique. Ben là, wow, là, Mario. Si, moi, je suis un bleu. Anyway, grosse déception, Jean qui nous quitte. Mais il était quand même vieux, quand même, là. 83 ans. Repose en paix. Ouais. Il était-tu malade, Béliveau? Il est juste mort. Il est mort de quoi? Il a fait plusieurs CV, maladie du cœur. Il revenait de pneumonie. OK, là, on va le dire, là. On call out tout de suite que Gordie Howe va mourir dans les deux prochaines semaines, je pense, là. Il est proche. C'est pas fort, là. C'est pas fort, là. Je pense que c'est le prochain parti. Là, c'est la bière qui sourit. Là. C'est le prochain parti. Une autre légende qui s'en va. Là, mais... 20 bières là-dessus. S'ils écoutent le podcast, c'est sûr qu'ils sautent. Je mets 20 bières sur Goliard. Ok, on part un jet-pool. Moi, je dis qu'il passe pas les fêtes. C'est pas vrai, je fais pas ça. C'est quoi, Jeff, le nickname de Goliard? Oui. Mr. Hockey, dude. Mr. Opec. Hey, tu as soufflé la réponse. Monsieur Gros. Tout le monde sait ça. Il a pas soufflé. Il l'a dit Gros Opec. Il savait même pas. Mr. Hockey. Mr. Hockey? Ouais. Mr. Hockey? Mr. Hockey. Bon, un autre qui est décédé cette semaine, Pat Quinn. Ouais. Moi, je me rappelle juste ses deux yeux au burn, ouais. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Je l'aimais, Pat Quinn, moi. C'est notre hommage à Pat Quinn, deux yeux burn, ouais. C'est cool, le genre de bonhomme. Il avait comme... Ah oui, il avait tout un bataillant. Gros Irlandais avec son... Le monde l'a critiqué parce que ça a l'air qu'il essaie québécois. Fais-moi ta gueule, quand. On a perdu un autre. Ouais, ta gueule, Quentin. Oui. Bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Prochain? Bon, ben, il y a également Claude Tremblay qui est décédé. Who the fuck is Claude Tremblay? Oui, Claude Tremblay qui est un analyste à Radio-Canada pour la soirée. On l'a jamais connu. Rest in peace. On l'a jamais connu. Non, il était pas sur Twitter, lui. Non. T'es pas sur Twitter, t'es pas sur RDS. Je sais pas. Fallait quand même en parler avec Claude Tremblay qui est décédé. C'était épuisant, ce podcast-là. Je suis brûlé. Il dit plus un mot, c'est... Je sais plus quoi faire. Et finalement, pour les décès, il y a Victor Tikhonov qui est décédé à l'âge de 84 ans. le coach des Russes. Ça va, 80 000 ans. Ça va, Bergevin. Non, mais ça, c'est... 88, 83, 48. C'est la païenne qui parle en ce moment. Alors, maintenant, le début de l'affaire de tantôt, là. C'est quoi, Hier, je me suis couché puis j'ai eu un rêve. C'est quoi, c'est ça? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on évalue un joueur. Bref, Victor Tikhonov, qui est 84 ans, qui est décédé. Qui était dans l'alcool, René. Le coach de la Russie. Ben, trouve-moi Skouyo. Scrouillou, Scrouillou. Ça veut dire Victor Tikhonov, en tout cas. Trois médailles d'or pour la Russie dans les Jeux Olympiques en 84, 88 et 92. Alors, respect quand même pour Tikhonov. Il reste combien des pages de même là? C'est fini, c'est la fin, ça. Ouais, parce que là, c'était gars, il y en a fouetté. Non, mais ok, pour Tikhonov, fait que Mart, tu voulais qu'on fasse jouer de la musique de Rammstein pour lui, pour y rendre hommage à la Russie? Pour Tikhonov, voilà. Moskva. Ah, voilà. Quand même, le coach de l'armée rouge, respect. Hein. On va lui donner ça, on va lui donner tout de chanter en allemand. Mais par exemple, Mart, moi, cette semaine, on s'est parlé sur Facebook, puis on en est venu à la conclusion que c'est peut-être pas le meilleur hymne national à jouer pour la Russie. Non, c'est pas très représentatif. Non, fait qu'on a trouvé quelque chose qui représente beaucoup mieux la Russie. Alors voici ce qu'on a comme hymne national de la Russie présentement. Ouais. Moi, je pense que... Des pre-teens qui se prennent. Des petites adolescentes lesbiennes qui se prennent. Ça représente beaucoup la Russie, je pense. Des brouteuses russes. Bon, là, quand c'était là, c'était peut-être pas... Poutine doit être contre ça présentement, mais je pense que ce thème-là représente le mieux la Russie en ce moment. Poutine, juste imaginer deux hosties lesbiennes se manger à la touffe, il doit virer fou, il doit tirer sur les chiens. Il doit être embêtant sur un cheval avec un gun présentement. Il doit être sniper, genre des oies. Ou des lesbiennes. Je tiens à faire remarquer qu'on t'arrête de faire jouer du tattoo présentement. C'était vraiment pour moi. Ça, anyway, fait qu'on est comme toutes. Fait que ça sera l'hymne national de la Russie présentement. Donc, je propose que. Fait que Poutine, on veut juste te dire qu'on est toute une gang de lesbiennes. Moi, je propose que dès qu'on parle d'un joueur russe, on fait jouer cette tune-là. On est toutes des mangeuses de ça. Bon, c'est assez tout ça. That's nice. Okay. Bon, fait que ça fait le tour de Around the NHL. Bon. Fait que je voulais justement parler de Markov. Markov! Alors, ce soir, jour de l'enregistrement, le 5... KJB, c'est sûr. Man. Mais le 5, en ce moment, 5 décembre 2014, Gonchar a scoré ce soir son premier but dans la Ligue nationale dans le Canadien. Ouais, tu le coupes bon. Après ça. Ouais, ben je peux le couper ou le laisser longtemps de même. Bon, fait que ça fait tour du podcast. On a des questions du public. Je propose qu'on y aille vraiment rapidement parce que. En rafale! Questions du public. Tire de barrage, les gars. On a une question de JS Chapleau qui veut savoir. Votre plan pour corriger la défensive du CH qui est presque digne d'Ulanov, Lachance, Dykus, Rivet, Brisebois et Malakov. Là, il traverse. On y va un par Patrick un. Traverse. Ben, Malakov, il était le fun. C'est jusqu'à temps qu'il fasse genre Vladimir. Son périple. C'est quand même crise d'époque dans la foule. Toi, tu parles de Vladimir. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la défensive qui vaut pas de la merde? Dehors hey, Allen, Vladimir, Gilbert, Weaver, puis je ramène Patterin, Beaulieu, puis Thénardier. Let the kids go. Mais Jeff ça marchait moins bien plus haut. Mais Jeff a un point, par exemple. Le Canadien arrêtait pas de dire cette année qu'on y allait pour la jeunesse. Puis tout ce qu'ils ont fait depuis le début pour la défense, c'est signer des gars de 40 ans puis des vieux boulets lents. Mais non, il y aurait même de la marde dure qui traîne des hors dans la cour. De la marde dure. Ouais, parce que je ramasse la merde à mon c'est chien. Moi qui se fais chialer après parce que je suis subtil. Dave, as-tu une opinion là-dessus, toi? On fait quoi? C'est de la marde! Qui est chien qui mange la marde? Alex, vas-y donc, défense, ça fait quoi? Moi, je pense qu'il faut être patient. Ah, bon, mais faut être patient en engageant des vieux. Moi, je vais dire, je vais compléter l'affaire à Alex. Genre, non, faut pas être patient avec genre Allen, tout ça. Fuck it, hostie, man. Hey, on traite tout le temps avec la jeunesse, man. Pas de solution. Ramène les kids. Sors la mardure du chien. Mart, faut être patient avec les vieux calices. Il y a une rumeur qui traîne sa défensive. Là, ça a l'air que Bergevin aurait de l'intérêt pour Mike Green. Feriez-vous le mot pour Mike Green? Non, Mike Green. C'est quoi cette affaire-là? Mike Green va nous apporter quoi en défensive? Fuck. On a besoin de défense. Ça prend un défenseur mobile. Non. Ça prend un défenseur. C'est-tu une rumeur des clubs? Ça prend un deuxième marqueur. Oh, avec là, on va avoir l'université ici, là. Mike Green, tu vas avoir de la merde avec Mike Green. Alexandre Bozon, à deux, on fait quoi avec la défense? Pareil, je partage avec la famille. Là. Moi, je vois avec la jeunesse. Pour vrai, c'est dans le cul de Lara Fabienne. Les croutons, là, on en a assez eu. On a des bons kids qui doivent se développer. On les amène dans la NHL. On en a eu, on les a vus, on les a dans le cul! Exactement, moi les vieux. Bon, là, capable, son doigt, là. T'as rien, t'es-tu obligé de faire jouer les crises de vieux gars pas que Bergevin. T'as pas le droit de chialer, t'as rien. Moi, je le calme, moi. Essaye de faire le mieux que tu peux, qu'est-ce qu'il y a? Lâche ton témoin. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Alexandre, par exemple. Allen, tabarnak, t'es pas obligé de le faire jouer. C'est le temps qu'à faire jouer Allen. Non, mais je suis d'accord. Amène un jeune. C'est ça. Développe tes gars. Tant qu'à faire jouer des joueurs de marque qui sont finis, fais jouer des joueurs de marque jeunes qui vont développer. Moi, sérieux. Oh, shit. Mais oh. Bon, ça y est. Mort prends ton micro, calice. Oh, la boue, Esti. Laissez-le. Mort a encore une fois renversé de la bière. Là. Alors, on prend les Kleenex du CH. Ah, il y a ben trop de fil sur cette table-là. Pourquoi tu prends ton micro dans tes mains? Laisse-le là. Parce t'sais. Que moi, je suis un Jean-Pascal. Non, non, là, tu laisses ton micro. Je vais être là, je vais être là ce soir. Mart, tu vois ton Jean-Pascal. Non, mais c'est bien de parler puis de rien faire quand tu parles. Tu serais là, maman, ce soir. Ok. L'autre question. Prochaine question. Attends, avant, là. Non, non, Alex, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Toi, t'as l'air de plus aimer une erreur d'un esti de vieux crouton comme Allen. Qu'un jeune kid comme Tanner Lee Beaulieu qui fait une erreur. Le même style du jeu, ouais, la même Alex, erreur. Man, toi, tu pardonnes plus. Non, un non, vieux. Je parlerais jeune. Mais c'est ouais, ça. Alex, c'est mais les jeunes, présentement, c'est qu'à chaque fois, c'est une erreur. Ben oui, mais Allen aussi. Ils vont faire 4 erreurs, Brian Allen va en faire une. Ouais, il est mauvais. Il est mauvais. Ouais, mauvais comme vétéran. Anyway. C'est sûr, mais je prendrais pas un jeune. Mais toi, Alex, man, c'est parce que tu vis d'un rêve. Fait que les gars de hockey, genre, qui ont fait toute leur vie, ils ont pas raison. Le move d'Allen, hey, c'était si pas que les jeunes sont pas prêts, c'est parce qu'ils sont pas prêts. Le monde du hockey là, qui ont fait comme un plan en allant chercher Allen, là, ils ont le droit de se planter. Puis je pense que ça sont hey, on a eu un gros défenseur comme qu'on a toujours besoin pour les séries. Okay? Prochaine question. Puis on s'est débarrassé de Book. Ouais, that's Allen, the only fucking reason. Ouais, mais Alex, arrête. Allen, c'est pas un ghost up. Il va pivoter entre Weaver, man. Puis. Whatever, man. Fais une bonne première pause. Ramenez la pieuvre. Les gars, prochaine question du public parce que ça commence à sentir le swing en studio. Alors allons-y. Il y a Nick Chalifou qui nous dit. Ça sent le gros Chris de Swift, là, ici. Ça sent la lune, c'est. Allez, juste papa 8. Il y a Nick Chalifou qui nous dit Price ou Alec, 3 petits points. Ok, je vais essayer de trouver de quoi de mieux. Bon, ben, Nick. Oh, d'ailleurs, Nick. Hey, call out Nick, là, style là. Ben, pas trop rough, là. Nick, non, ben, quand même, c'est lui. Pas parce qu'Alain qui a fait la une de l'actualité qu'il faut considérer que c'est un bon gardien de but. Hey, c'est un bon gardien de but. Il est moins bon que Price. Non, c'est un bon gardien de but. Non, mais les gars, soyons doux que Nick, on va le croiser quelque part éventuellement. Ouais, mais on te connaît. C'est un feu de paille, moi, il dit en estant sa face. Bon, prochaine question de Pat Silverwolf qui nous demande « Croyez-vous voir dans le hockey moderne et dans votre vivant un joueur ayant porté le C avoir autant d'impact avoir... » Que croyez-vous? Non. Je pense plus que ça existe. Dans le Canadien et dans aucune équipe de la ouais, Ligue. Ben, peut-être Crosby. En fait, je m'en ai dit. Non, j'en ai un nommé, moi. Qui? Jonathan Toews. Ouais, non, mais il joue pour le Canadien, non? C'était pas ça. Non, mais on parle pour le Canadien. Dans le hockey moderne. Dans le hockey moderne. Mais c'est parce que le problème, c'est Crosby. Crosby, c'est un talent, oui. Tout le temps, mais en team spirit et en thinking, c'est pas capable de Crosby. Il a joué chez avec toi pour Taze. Je pense que dans le Eisenman, Sakic. Le problème, c'est que dans le hockey moderne, on a peur de. Ouais, mais dans le hockey moderne, on a peur pas de dire clé. Bon, ben, un tel joueur ben, va égaler un autre joueur des temps passés, comme mettons justement. Peut pas, man. C'est pas le même. Non, mais anyway. Non, mais c'est pas pareil. Pour, on va se tirer. Je pense qu'aujourd'hui, dans le hockey moderne, oui, des Crosby puis des Taves. Non, vont Taves, c'est pas pareil comme Crosby, man. Ah, bon. Ouais, okay. Non, mais de toute façon. Oh, On fait juste dire qui est un capitaine qui a marqué son équipe pendant toute une carrière. Puis de toute façon, Taze et Crosby ne sont pas Béliveau. On parle pas qui est meilleur joueur et qu'on a mieux. Non, non, pas meilleur joueur. Je parle à... Genre, le. Hey, les gars. Capitaine qui va changer son équipe, qui va changer le hockey moderne. Je m'excuse, mais Jonathan si tu mentionnes pas Crosby là-dedans. Non, mais Crosby, non, mais, okay, c'est le seul pour toi. Mais non. C'est le seul. Je suis pas le seul, mais Taze, sérieusement, c'est quelqu'un qui a une très grosse influence. Hey, Mart, à soir, il est tellement dans son coin. C'était un Alone Wolf, là. Ouais, mais j'aime ça de même, man. Ah, mais moi, ce que je dis, anyway, c'est que Taze en est get un. Get a life, motherfucker. Moi, ça va être chier présentement. J'en non, plusieurs, parce que si man. J'ai le best. Non, on le colle tout out, est-ce que. Non, mais Mart nous colle out tout le monde, je pense, présentement. Là. Ah, mais je peux pas prendre, c'est pas le bon doigt qui est levé. Anyway, on va citer Réjean Tremblay. Les gars, la game a changé. Ouais. Pas mal. Jonathan Taze, un nasty warrior, man. Ok, prochaine question du public. Il y a Maxime Néron qui veut savoir, à ce jour, nerve. Le CH représente-t-il une équipe qui peut compétitionner en playoff? Et sinon, que lui manque-t-il selon vous? Ben, présentement, si on regarde le Canadien là, en playoff, là... Oh! Mart, sacrément, trois fois, là! Number three! Votre benché, esti! Il est juste assis, esti! Va-t'en dans le salon! Non, t'as peu, tu as remarqué une affaire, j'ai bien fait ma job, elle est vide. Ouais. Mart, il est comme Ryan White qui pète une coche puis qui se met à frapper tout le monde, là. Ah, j'ai ça. Ok, ça nuit à l'équipe, présentement, ça, là. C'est quoi la question? Hey, man, je peux t'avirer upside down, là. Pour revenir à ce que tu disais, parce que je suis peut-être un des seuls qui a écouté, là. Je pense que le Canadien, présentement, avec la meilleure qui performe en série, il ferait pas long feu. Pourquoi? Parce que c'est complètement... Mais comment il performait en début d'année? Parce qu'on n'a pas de... C'est la def, le problème. Si, présentement. Là, non, je parle... Non, je parle... Généralement, cette année, l'équipe du Canadien performerait pas longtemps en série. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconstants. Ouais, puis ils ont pas de défense présentement non plus. Ouais, mais les séries, c'est une nouvelle saison, tu sais, puis... Alex, moi, tu sortais le sifflet, là. Tu dis à quoi, man? Ça va prendre du punch à l'attaque, puis ça va prendre un défenseur qui est capable de bouger à la puck, parce que nos deux défenseurs mobiles sont tous sa première paire. On n'a rien d'autre après ça. Ouais. Ben là, t'as Markov qui est mobile, puis Subban qui est mobile. Mais Subban joue pas bien, en plus. Ils jouent ensemble. Oui, ça forme une paire, ça. Je suis d'accord que... Je suis d'accord que les séries sont une saison. Markov et Subban, ils jouent ensemble, ça fait un crise de là. Non. Oui. C'est Subban puis Emeline. No. Yeah. Ça fait deux mois de ça, là. Bon. Fait qu'il reste deux sujets, les gars, pendant que vous regardez la game qui est en cours présentement, alors qu'on diffuse en direct. Puis que les Blackhawks viennent de gagner contre les Canadiens. Ah, avec, ah mais là, vous avez. Ok, ben, prochaine question, vous allez être content, vous allez pouvoir vous pogner. Il y a Sébastien Richer du podcast Best Podcast Ever. Ouais. Qui veut savoir, êtes-vous satisfait du rendement de Allen depuis son acquisition? Ben non, hostie. Une règle au plafond. Ben, je pense qu'on peut s'occuper de ces questions-là parce que si écoutez le podcast, il reste 27 secondes. La plupart du monde a dit que Allen, c'était comme c'était. Hein? Ben, il y a juste Alex qui est bandé à Allen. Ouais, mais Alex, vas-y, dis-y. Répète la question, Jeff. Êtes-vous satisfait du rendement de Allen depuis son acquisition? Oui. Non. Non? Non plus. Ben, moi, il joue exactement comment je m'attendais, comment il joue. Okay. Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose? Il joue comme un Gill. C'est comme un Murray. C'est pas un game changer. Anyway. Il améliore pas la défense. C'est un sixième défenseur. Il l'empire. Ouais, ça a pas de sens de jouer à chaise. Il l'empire. Il remplace Weaver. Une équipe, là, c'est facile. Tu fais un plan de match. Quand Allen est sur la glace, tu dombes de son bord. Ok, mais il vole la place à qui, ce gars-là? À Tenordi. Ben lui, il vole. Non, je pense pas. Non, il vole la place à un con. Je pense pas qu'il l'empire. Il empire pas la défensive du Canadien, mais il l'améliore pas non plus. Il l'améliore en piqué, en tout cas. Piqué Subban? Non, non, en piqué, il est tout le temps à terre. Il est tout le temps à terre, il se pitche comme un épais, man. Si, là, il a l'air. De toute façon, là, il est intimidant un petit peu. Il n'y a pas les gars qui font. Il reste une question du public, les gars, pendant que le Canadien perd sa game contre Chicago en fin de période, comme ça. Il y a Jerry Godbout du podcast Hors Jeu, l'autre podcast de hockey, Jerry Godbout. Vous avez une question aussi? Ouais, il veut savoir quel trade feriez-vous pour le CH? Avez-vous un trade? C'est trop dur à répondre. C'est pas évident. Je ferais pas un trade de NHL la soirée. On va aller encore chercher un défenseur. Ben moi, un trade, je ferais Patterson contre Crosby. Non, mais. Non, ouais, ça allait dire en affaire de même. Moi, j'ai juste. Eberle, est-ce ouais, c'est ça. Mais moi, sérieusement, dans le fond, je me suis informé un peu. J'ai regardé ce qu'un peu les analystes pensaient. Appelé directeur général. Le prix pour Eberle, ça serait un centre qui est capable de jouer dans le top 6, un jeune défenseur, puis un jeune prospect. On serait capable de payer. Tu dis ta source, c'est Hockey Insider. Non, j'ai lu les analystes, en fait. Je regarde ce que le monde pense, puis dans le fond, à un moment donné, ça a du sens. Parce que Philippe Quentin? Non, pas Philippe Quentin. Moi, je regarde beaucoup. Pour moi, ma source qui a du sens, c'est, excusez-moi, mais c'est les anglophones. Les Québécois sont pas dedans pantoute. Je suis d'accord avec moi, ça. La porte est là. Chris, les Oilers, ils ont besoin de s'améliorer. Ah, je pense qu'on puis... on doit... Y a boss... Ah, mais tu donnerais qui, toi, là, mettons, de même? Là. Ben, moi, avec dans le fond, les critères que tu as donnés à Montréal, si, mettons. Si tu veux que ça fitte sa masse salariale, j'échangerais, excuse-moi, Alex, mais j'échangerais Plekanec. Hein? J'y peux aller faire plus de j'offrirais points. J'offrirais un jeune défenseur. Plekanec, Desharnais, Beaulieu. Ça serait qui ton jeune défenseur? Mon jeune défenseur, d'après Subban, moi, ça, Price, ça, non, Markov. Ça risque de jouer en peut-être Thénardier ou Beaulieu, je sais pas qu'est-ce ouais, qu'ils vont demander. OK, mettons, puis le jeune prospect, ben écoute, Charbac. Si Boston sont prêts à donner Malcolm Subban, je pense que si on est capable d'aller chercher un joueur qui est capable de marquer 30 buts, qui est jeune pour plusieurs 30 années. 30 buts, qui est jeune? Mais Malcolm Subban... Faut qu'aller, si je le mettrais dans le package. Mais Malcolm Subban, c'est pas un goaler, ça? Oui, c'est un goaler. Tu veux pas un troisième goaler? On a plein de goalers qui s'en viennent en backup. Non, non, là, moi, je parle que Boston serait prêt à faire Malcolm Subban pour chercher Burley. Ah, OK, en ce sens-là. Fait, dans ma tête, je me dis, tant qu'à faire, je serais prêt à mettre... Foucalé dans le deal. Pour Foucalé, là, il joue dans le team national puis tout. Là. Subban, il est même ouais, pas mais, là. Parce qu'on a Price. Pas ouais, même genre de goaler. Price, il est là pour 10 ans encore. Fait que bon. Si les autres... Mais garde-le un peu plus longtemps. Non, non, c'est trop. Terminons ça là-dessus. Avez-vous des trades que vous feriez vous autres présentement? Non, moi, non je veux pas spéculer sur aucun trade. Moi non plus. Le seul est malade là, de son histoire. Non, moi, là. C'est juste Eberle. Je rêve à ça. Puis... Bon, ben, Jerry Godbout, ta question, c'est de la stigma. On a perdu, puis je t'entends. C'est pas vrai, moi, on vous aime. Maurice Richard. Non, c'est juste une question que. Avec Jean Béliveau? Jean Béliveau, Maurice Richard. Non, non, mais c'est une bonne question, mais là, on est trop en fin de game. Tourette, c'est correct. Alors que le Canadien qui vient de perdre présentement contre les Blackhawks, encore une fois. Ben oui, vous attendiez à quoi, Chris? Jonathan Taze dans leur équipe, man. Ça fait ben, ça fait le tour, les qu'est-ce gars. Qu'est-ce qu'il a fait de Taze à soir? Rien! Ça fait le tour qu'est-ce de l'épisode 5 de la soirée du podcast. Je vous invite, les fans, à ne pas manquer l'épisode 6 de la soirée du podcast. Ce sera notre spécial Noël. Alors, on va boire du lait de poule, manger de la dinde et puis vomir de la crème de menthe. Yeah. Soyez présents, je et pense qu'il y a un peu de schnapp au pêche. Il y a Alexandre qui sera pas là pour ce triole. Podcast-là. Ouais, moi, t'es mieux d'être non, là, non. Toi, vraiment. Ouais, moi, si j'arrive là, là je vais être comme déjà très ben là, bon. Il faut dire que Martin... Si, parce que je fais un abat, man, c'est sûr. Mart a son party de job dans l'après-midi, fait que Mart est comme un cas incertain pour la game. Alors, peut-être qu'il va être là, peut-être que non. Sinon, les quatre autres, vous allez être là pour ce podcast-là, j'imagine. Ouais. Come on, Mart, tu vois des lumières de Noël ici. On a là. Besoin de toi. Hey, Jeff, je vais être là. Juste si tu closes le show en espagnol. Ah, je peux. Là? Ouais. Vas-y, donc, Jeff. Por favor, Martin, venez une deux semaines à parler de hockey, picro. Te quiero mucho. Alors, c'était l'épisode 5 de la soirée du podcast. On dirait qu'elle dit n'importe quoi. On dirait qu'elle bon. Dit n'importe quoi. J'aurais pu le dire, on moi aussi, je pense. On dirait qu'elle dit n'importe quoi. Elle dit Moutou, je peux vous dire un tiquero mucho. Hey. Moutou, je suis capable de dire Moutou, j'aime ça, des sandwichs au jambon avec la moutarde. OK, ben regardez les gars, moi, je vais finir le podcast sur cette phrase. Tu eres una grossa vaca maldita. Alors, c'était l'épisode 5 de la soirée du podcast. Salut tout le monde.